CIFOU 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Requis. Les nouveautés étonnales continueront avec l'arrivée d'Alicia Lemieux dans l'équipe. Et Gabrielle Béhout viendra créer quelques malaises dans les coulisses de la Luître. Assemblage Requis commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis en ce mercredi 27 septembre 2017 à 212 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. On est en direct des studios de Cifou à Trois-Rivières, le seul, l'unique. Et douillet. Celui qui est chaud pas mal ces temps-ci. Oui, douillet dans le sens qu'on crève. C'est ça, exactement. On se collera pas trop aujourd'hui. Non, je pense pas. Et ce qui est, surtout que Mathieu est probablement contagieux aujourd'hui. Probablement, en fait. J'allais dire que j'ai sûrement été infecté par notre ami David Ferron, peut-être, qui lui aussi est grippé. En fait, il ne pourra pas être avec nous aujourd'hui, donc on ne pourra pas se coller sur David Ferron. C'est comme ça. Aujourd'hui, les gens sont malades cette semaine un petit peu partout. C'est comme ça. Moi aussi. Je ne sais pas ce qui se passe, honnêtement. Même dans les cours, si vous êtes à l'université ou même dans les bureaux, probablement que vous avez réalisé que certains de vos collègues sont absents. Semblent enrhumés. Sont enrhumés. C'est ça. Tu l'as été toi aussi. Tu as encore tes mouchoirs d'ailleurs. Tout à fait. Je sais pas pourquoi le matin ça me prend mes mouchoirs. Ça me surprend une fille avec une boîte de mouchoirs avec plein de vieux mouchoirs dégueulasses usés dedans sa boîte. Il y en a plus, ok. Ok, t'es enlevé. Ouais, mais c'est ça, c'est. Ça fait en sorte que dans le studio, si je me mouche pendant que t'animes, j'ai pas besoin de me lever, non, faire c'est du bruit, aller jeter. Je le fais après l'émission. Fait intéressant pour messieurs. Si vous allez dans son bureau à Tania, autour de sa poubelle, il y a probablement 5 ou 6 Kleenex parce qu'elle ne s'est pas lancée. Hey, c'est pas vrai ça. Je les ramasse en fin de journée. Ok, peut-être. Des fois, est-ce qu'il y a des journées? C'est comme skipper la journée des jambes ouais, au gym. Ouais, c'est ça. Exactement. Voilà. De mon côté, si je peux aussi, moi aussi faire honte à moi-même, aujourd'hui, j'ai pris un Mucinex ce matin en me levant. Il y a peut-être une heure de ça environ. Et ça te débloque sur un méchant temps. Donc, si aujourd'hui, vous m'entendez pendant que je parle, faire un petit ça, là, ça va être à cause de ça. Exact. Ça va être une belle émission. Oui, tout à fait. Donc, tantôt, j'ai parlé que David ne serait pas là. Parlons donc de ce qui va se passer dans l'émission d'aujourd'hui. Ben oui. Dans une demi-heure, un petit peu moins d'une demi-heure, en fait, on va accueillir une toute nouvelle membre de l'équipe. Il y en a vraiment beaucoup cette année. C'est une année extraordinaire côté nouveauté. Donc, Alicia Lemieux va être avec nous vers les 7h30 pour sa chronique sur l'environnement, développement durable et autres trucs comme ça. Ouh, on a hâte. Ouais. Ensuite, à 9h, Gabrielle Béhout va venir nous parler de la Luître. Il y avait un match lundi, le premier de toutes les équipes, de tous les nouveaux joueurs. Donc, on va parler des nouvelles équipes à 9h. T'as deux chroniques qui s'en viennent pour nous. Qu'est-ce que tu nous prépares? Bien, j'ai un petit sujet léger pour vous ce matin. On va parler un petit peu de road trip, mais au Québec. Parce que il reste encore un petit peu de temps pour pouvoir le faire, sachez-le. Oui. Surtout que la température s'est montrée un petit peu aidante de notre côté pour pouvoir continuer à faire des activités extérieures. Apparemment que ça arrête cette nuit, là, que ça recommence à faire froid cette nuit. C'est ça. Fait que c'est aujourd'hui que ça se passe. Prenez off. Attrapez un rhume aujourd'hui. C'est ça. Allez en road trip. Sinon, bien, on va parler de femmes, de féminisme, peut-être même un petit peu d'avancée. Vous allez voir. Oh, génial. Donc, plus tard, dans Tania is Gonna Entertain Ya, justement, une première chronique s'en vient dans quelques minutes. Mais avant ça, on s'écoute une pièce de Tire le Coyote pour débuter l'émission d'aujourd'hui. Voici tes bras comme une muraille. Lui, il a pas skippé la journée des bras. On sait pas pour les jambes, pas. Thank you. les bras comme une muraille et partir le coyote. Assemblage requis. Maintenant, Tania me sauve en ce début d'émission en faisant sa première chronique tout de suite. Et voici Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania. And she's gonna entertain. Oh que oui, Tania. De quoi est-ce qu'on parle cette première fois? Bien, on va parler un petit peu de road trip pour certaines îles qui se retrouvent au Québec. Pourquoi? Bien, parce que parfois, on ne se rend pas nécessairement compte qu'à l'intérieur de notre propre province, on peut avoir des endroits qui vont nous faire un peu voyager. Et lorsqu'on n'a pas nécessairement beaucoup d'argent pour partir comme ça en avion... Ça change le mal de place. Exactement, ça change le mal de place. Ça change la routine aussi, la banalité des choses. T'sais, on se dit, on se lève tout le temps à même heure, on fait tout le temps les mêmes gestes. Fait qu'on se rend pas nécessairement tout le temps compte qu'on peut faire une espèce de petit voyage à l'intérieur de notre propre province. Se dépayser. Exactement, se dépayser. Puis on a des endroits qui sont tout simplement magnifiques au Québec. On parle d'endroits assez époustouflants. Et justement, j'ai trouvé une petite compilation des îles sur lesquelles on peut aller faire un tour et qui vont se retrouver à être très féerique et assez pour te couper le souffle. Donc, tu vas te sentir comme si c'était un petit peu ailleurs dans le monde, mais en étant sur ta propre province, en étant au Québec, en restant chez nous. Pas toute conversion de votre argent, vous n'allez pas perdre au change. Exactement. Puis, la plupart du temps, bien, vous allez peut-être pouvoir le faire à l'intérieur d'une seule journée. Ça dépend où vous êtes. Ça dépend comment vous voulez faire les choses. Donc, la première, en fait, c'est l'île du Bic. C'est près de Rimouski. Ça se trouve à être la toute petite île qui s'appelle Dubic, sur laquelle personne habite. On parle d'une forêt qui est très, très dense. Il y a des ruisseaux. Il y a aussi des phoques. Donc, c'est le paradis pour toutes les personnes qui adorent le plein air, qui ont envie de s'isoler, mais qui n'ont pas nécessairement envie d'aller sur une île où il n'y a rien du tout. On parle, comme je l'ai dit, on parle de forêt assez dense. Donc, on peut aller marcher, on peut faire de la randonnée pédestre, chose qui est très, très, très bien et assez dépaysante. La deuxième, c'est l'île Bonaventure. Donc, peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette île-là parce qu'on en voit quand même assez dans les publicités. Mais ça se trouve en Gaspésie. Donc, c'est sûr que vous ne pouvez pas nécessairement faire ça en une journée. Il faut vous calculer un petit road trip où vous allez pouvoir rester là pendant un certain nombre de temps. Mais elle est en face de Gaspésie. Donc, ça attire plusieurs touristes chaque année. On voit le rocher percé de l'île de Bonaventure. Ça forme un parc national aussi qui est parfait pour faire de la randonnée, encore une fois. Donc, les gens qui trippent sur le plein air, c'est vraiment une des îles où vous pouvez décider de vous faire un bon road trip. Quasiment de rester là aussi une semaine. Vous pouvez calculer vos vacances en fonction de où vous allez rester ou quelle île vous voulez visiter. La prochaine, c'est l'île du Havre-Aubert. En fait, ça fait partie des îles de la Madeleine. C'est sûr que là, encore une fois, si vous décidez de partir pour les îles de la Madeleine... C'est loin. En fait. Ouais, c'est ça. Calculez-vous un petit montant pour pouvoir voyager. Parce c'est pas dans une journée, ça. C'est ça, exactement. Ça se fait pas dans une journée. Mais c'est assez unique grâce à sa finesse parce que l'île est vraiment très étroite. Donc, c'est une des îles la plus boisée de l'archipel aux îles de la Madeleine, ce qui fait en sorte que ça devient un endroit d'excellence pour la randonnée, pour les gens qui veulent justement voyager aux îles de la Madeleine. Et les îles archipelées. Exactement. Et les îles de la Madeleine, ces temps-ci, c'est très, très, très touristique, là. On commence à réaliser qu'on peut voyager de plus en plus sur notre propre province. Donc, les Québécois commencent à s'en aller de plus en plus aux îles de la Madeleine pour pouvoir visiter, pour pouvoir justement faire plus de plein air. Donc, ça leur crée une espèce d'économie touristique. Alors, aller faire un tour, ça peut juste les aider, puis vous dépayser. Oui, vous allez pleurer de joie comme une île de la Madeleine. Exactement. Pleurer. Par la suite, il y a l'archipel du Pau à l'eau de vie. Ça regroupe trois îles, en fait. Donc, vous avez le choix. Vous allez pouvoir choisir pour ce que vous voulez. Ça regroupe l'île du Pot du Fort, le Gros Pot et le Petit Pot. Dans les petits pots, les meilleurs onguents. C'est ça. Mais il va y avoir un phare qui va être très, très beau. Vous allez avoir des paysages qui sont époustouflants. Vous allez avoir aussi une atmosphère qui va être extrêmement paisible. Donc, si vous cherchez un petit peu cette tranquillité-là, vous allez plus vouloir partir de cette île. C'est magnifique. L'eau est bleue. si vous êtes du type à triper sur la pêche, si vous êtes du type à triper sur la navigation, de faire un petit peu de bateau et tout ça, c'est un des endroits de prédilection pour pouvoir aller faire ça. C'est magnifique. Ça ressemble un peu à un vieux village de pêche, ah oui. Justement, avec une eau qui est à couper le souffle, laissez-moi vous dire. On est jaloux de l'eau des autres des fois, mais on a de la belle eau quand même aussi. Oh oui, tout à fait. Par la suite, il y a l'île d'Anticosti. Elle aussi, on en a probablement déjà entendu parler. C'est pas une entrée sur le restaurant, c'est de l'antipasse. C'est de l'antipasse. En fait, c'est de loin un des plus beaux endroits au Québec. Ça a été calculé comme étant dans les meilleurs endroits au Québec où aller faire un tour à plusieurs reprises dans des revues, dans des journaux, que ce soit dans des chroniques à la télévision ou peu importe. Tout ça grâce à ces chutes, à des cours d'eau qui vont être bleus et verts, à des arbres qui sont immenses. On parle aussi de plages qui sont magnifiques. Vous allez avoir de la faune aussi, chevreuils, petits animaux et tout ça. Donc, c'est quasiment trop sociable parce que tu veux plus partir de là par après. Mais honnêtement, si vous avez la chance d'aller taper île d'Anticosti sur Google, faire quelques petites recherches, les images sont incroyables. Alors, pour ceux qui trippent plus sur le côté nautique, c'est sûr qu'avec des chutes, si vous aimez le son des chutes, si vous aimez le son de l'eau, vous allez être vraiment comblé du côté de l'île d'Anticosti. Parce on va sentir comme... C'est qui, Cendrillon qui est, ou Blanche-Neige qui a tous les oiseaux qui viennent sur elle? Puis, C'est Cendrillon. Cendrillon. C'est au début de l'histoire. Voilà. Par la suite, il y a l'île d'Entrée. L'île d'Entrée, c'est une île qui fait aussi partie des îles de la Madeleine. C'est la seule qui n'est pas reliée aux autres par un pont. C'est la beauté de cet endroit, en fait, vient des falaises qui sont rouges, qui sont extrêmement impressionnantes. Vous pouvez y aller, entre autres, en bateau. Vous pouvez aller voir un petit peu, vous pouvez aller explorer. C'est sûr qu'il y a un côté très touristique à tout ça parce que, bon, vous pouvez avoir un guide si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez aussi vous aventurer tout seul si vous avez l'âme aventurier, mais faites attention, bien évidemment. Souvent, on ne se rend pas compte que, justement, nos montagnes ou nos falaises ont des grottes. Et c'est très intéressant de pouvoir aller visiter tout ça. Donc, si vous y allez seul, encore une fois, faites attention. Si vous y allez avec un guide, bien, on va clairement vous mettre l'eau à la bouche en y allant, mais on va aussi vous guider pour être sûr que vous n'allez pas vous blesser ou quoi que ce soit. Oui. Donc, l'île d'entrée du côté des îles de la Madeleine, c'est encore une fois une merveilleuse île. Là aussi, il faut calculer un bon road trip, un petit voyage. Là. Calculer une peut-être 4 journées pour pouvoir justement avoir un voyage qui va en valoir la peine, mais c'est sûr qu'on peut encore calculer ça comme étant un... je le mets bien entre guillemets, là, un road trip, ouais. Parce que vous allez devoir à un certain point prendre l'avion. Mais il faut un long week-end. Exactement, ça prend un long week-end ou une semaine de vacances. Ouais. C'est à votre guise. Par la suite, il y a l'île nue de Migan. Mais là, il est nu ou il y a des gants? En fait, tu vas voir, le nom l'indique, il n'y a pas grand-chose sur l'île. OK? Il y a un périmètre qui est de seulement 9,3 km. Et à part la nature qui s'y trouve, il n'y a pas grand-chose. Mais la nature est exceptionnelle sur cette île-là. Et c'est comme sur plusieurs île de l'archipel de Migan, bien, il y a des monolithes qui sont assez impressionnants à voir. Donc, si vous vous demandez qu'est-ce qu'un monolithe, eh bien, je suis en train de faire la recherche. C'est comme sur l'île de Pâques, les grosses statues. Là. Exactement. C'est un bloc de pierre qui est très, très grand, qui est constitué d'un seul élément. Ça va être très naturel ou ça va être taillé, tout dépendant qui l'a mis sur l'île. Qu'est-ce qui est arrivé avec ça, exactement. Parce qu'on peut le faire déplacer par l'homme ou ça peut tout simplement être là. Donc, vous allez retrouver ce genre de choses sur l'île nue de Migan, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Vous n'allez pas faire du grand tourisme là-bas. Vous n'allez pas avoir nécessairement de grandes activités à pouvoir faire parce qu'il n'y a pas grand-chose. Si vous voulez la tranquillité, par contre, c'est une des îles qui va être de prédilection pour pouvoir, je ne sais pas moi, aller lire sur une île tout seul. Ben oui. Bien, vous allez pouvoir faire ça, exactement. Et l'avant-dernière, c'est l'île Niapisco. Ça fait partie de l'archipel de Migan, encore une fois, donc dans les îles de la Madeleine. Et à cet endroit-là, c'est possible de faire de la randonnée, mais la raison pour laquelle les touristes y vont, c'est clairement pour admirer, encore une fois, les monolithes qui sont très, très, très nombreux sur cette île-là. Vous allez en avoir beaucoup plus que sur l'île nue de Migan. Sur ceux-là aussi, ils vont avoir probablement plus l'allure du rocher percé, mais à plus petite échelle. C'est très, très beau. c'est sûr que si vous n'êtes pas nécessairement connaisseur de la randonnée ou quoi que ce soit, bien faites attention parce qu'il y a beaucoup de roches, il y a beaucoup de sable. Ça va être plutôt difficile de pouvoir marcher là-dedans si on n'est pas nécessairement connu du monde de la randonnée. Ça prend quand même pas un entraînement, là, mais une petite connaissance du fait que ça se peut que ça glisse puis que vous restez pogné, tu sais, c'est comme ça. Ça gâche les vacances pas mal. Exactement. Par la suite, il y a l'île du Havre aux Maisons qui fait également partie de l'archipel des îles de la Madeleine. Donc, de prédilection, les îles de la Madeleine, c'est comme un peu la place où vous pouvez aller sur les plages. On l'a dit tout à l'heure, on y va en avion ou on y va à un certain nombre de journées. On n'a comme pas le choix, en fait. Et c'est sûr que cette île-là que vous allez retrouver, bien, vous devez y aller en avion déjà en partant. Donc, c'est un des endroits les plus magnifiques des îles de la Madeleine, apparemment. Et c'est une place parfaite pour les gens qui trippent sur la bouffe. Parce qu'il y a plusieurs élevages de moules. Il y a une fromagerie. Il y a une miellerie aussi. La miellerie, Mathieu. Oui, direct dans le gorge. Exactement. Donc, c'est vraiment le comble pour ceux qui veulent faire un voyage de bouffe, mais à l'intérieur du Québec, sans nécessairement avoir à trop se dépayser, là, puis aller à l'autre bout du monde. Et vous avez juste à aller aux îles de la Madeleine, vous allez être comblé puis de ce côté-là. Facile. Ben oui, tout à fait. Et si jamais ça vous intéresse, bien sachez que c'est possible au Québec de pouvoir dormir dans un sous-marin. Oui. Boule de viande? Bien, en fait, c'est une sorte d'hébergement qui est assez insolite parce que c'est spectaculaire et on voit pas ça nécessairement tout le temps. Il y a des cabanes dans les arbres, il y a des tipis, il y a des igloos un peu partout au Québec ou au Canada. Mais je suis tombée sur une possibilité encore plus originale qui est celle de faire une nuit dans un sous-marin. Ça se passe du côté de Rimouski. C'est sur le site historique de la Pointe-aux-Pères. Et il y a un immense sous-marin qui a été hissé à l'extérieur de l'eau. Et c'est possible de le visiter au quotidien. Mais maintenant, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on peut réserver une nuit à bord de ce sous-marin-là. Puis tu vas te sentir comme si tu étais dans l'eau, en fait, parce qu'on en a fait vraiment un attrait touristique. Et durant votre nuit, bien, vous allez découvrir le fonctionnement des systèmes de l'embarcation. Vous allez aussi découvrir la signification des dauphins, des sous-mariniers. Vous allez pouvoir se jaser avec les gens qui y travaillent. Et ce que vous devez faire pour obtenir une nuit là-bas, bien, c'est les opérations quotidiennes du sous-marin. Donc, on va vous passer une petite épreuve, en fait. C'est une activité qui peut être très tripante pour les gens qui trippent justement sur la navigation ou peu importe. Et il y a 15 personnes qui peuvent dormir à l'intérieur du sous-marin. Mm-hmm. Donc, il faut se montrer vite pour pouvoir aller faire une réservation. C'est ça. Puis tu t'amuses là, puis eux, ils ont du cheap labor en même temps. C'est ça, exactement. Tout le monde gagne? Tout le monde gagne. Tout le monde est gagnant. Et c'est vraiment énorme comme sous-marin en passant. Si jamais vous voulez chercher un petit peu sur Internet, là, c'est très, très gros, mais c'est cool qu'on ait décidé de faire ça, de le sortir de l'eau, ouais, puis d'en faire un attrait touristique. Tout à fait. Voilà. Voilà, c'est cool ça. Mm-hmm. Ouais. T'as parlé de Gaspésie tantôt. Oui. Nouveau slogan de la Gaspésie, c'est des Gaspésans. Des paysans, puis. Ouais. Je vais la retravailler un petit peu. Ouais, c'est bon. Merci, Tania. Fait plaisir. Ta chronique tous les jours à Assemblage Requis. Il y en a une autre qui s'en vient plus tard dans l'émission. Oui. Merci pour ça. Parlons de plus tard. Alicia Lemieux s'en vient avec sa chronique sur l'environnement, sur le développement durable, sur tout ce qui est écologique dans quelques instants. Mais avant ça, on prend une pause à Assemblage Requis. Mm-hmm. Qui avec Tania Baudin et Mathieu Plante. On a une nouvelle chroniqueuse qui s'en vient. C'est excitant, dans pas long. Ça. C'est très excitant. Alicia Lemieux. Oui, mais avant ça, une petite chanson? Pourquoi pas? Pour se divertir un peu avec Emily Haynes and the Soft Skeleton. Tu parles de statuette? Mais bien sûr, un monolithe comme on a appris. Oh, c'est pas merveilleux. C'était Assemblage Requis jusqu'à 10h. Ouais, à peu près. Ouais. Des fois, un petit peu avant. Un petit peu. Rarement après, maintenant, par contre. Mais non, j'espère que vous avez votre café. Ouais. Soil that you borrow and the moral you deny. You can buy the eyes of the world with all the cold.

Fait que c'est ça. Puis donc puis aussi ben l'idée de se donner des défis tout le monde ensemble. L'UQTR pourrait pas se donner un défi pour la semaine de Québécoise de réduction des déchets en invitant tous les étudiants à porter un geste particulier là pour qu'on minimise l'impact. Ouais. Puis après ça, il y a plein de petits blogs intéressants là qu'on peut aller visiter, les trappeuses entre autres qui offrent plein de trucs là écolo pour adopter un mode sans zéro déchet. Puis je rappelle, il y a aussi également la ville de San Francisco qui est vraiment un beau modèle inspirant là, pour aller voir. En fait, eux, ils ont de l'objectif qu'en 2020, ça devienne une ville zéro déchet. Ah oui. Alors, ils sont déjà à 80% actuellement de leur objectif. Mais zéro déchet veut dire qu'ils compensent avec d'autres choses, j'imagine. Ils travaillent beaucoup avec le compost, en fait. Okay. Donc, ils compostent la majorité de ce qu'ils peuvent. Puis, le recyclage, en fond, ils misent beaucoup là-dessus. Donc, ils voudraient vraiment éliminer là, tout ce qui est enfoui sans terre. Donc, en faire là, davantage du compost qui devient du sable et tout ça. Donc, ils misent vraiment là-dessus. Alors, entre autres, ils ont aboli justement les bouteilles d'eau puis les sacs de plastique là, à travers la ville. Donc, ça, c'est des initiatives qui sont prises à une plus grande échelle. C'est le fun, ça, d'amener ses propres sacs. Sauf que quand ils les oublient puis qu'ils n'ont pas de sacs disponibles, ça devient plate, lourd. Hein? C'est difficile. Moi aussi. J'essaie de faire ça, par exemple. Si j'oublie mes sacs, par exemple, chez moi, ben je vais racheter un sac réutilisable. Oui, tout à fait. Je vais pas demander un sac. Il coûte moins cher qu'avant aussi. Oui, oui, oui. Des fois, un petit 1$, 50$ pour un sac réutilisable, ça vaut la peine. C'est vrai. Puis là, ben, t'en as une cargaison chez vous, t'es oublié tout le temps, mais au moins t'en accumules. Et ça fait plus de déchets. Exactement. Fait que voilà, ça fait le tour de ma chronique. Caroline, Tania, on aime ça. Ça consiste à un café hier. On adore ça. On va parler de ça à chaque deux semaines avec toi, Alicia, pour ta chronique. Il va falloir trouver un titre. Oui. Il va trouver une chanson thème. On va faire ça. Un fond. Il va falloir trouver... Une publicité. Non, c'est ça. On change tout. Tout. Alicia Lemieux, on te retrouve donc dans deux semaines. Ce sera tous les mercredis à 7h30, presque en début d'émission. On te remercie beaucoup. Allez, merci à vous. Bienvenue parmi nous. Merci. Oui, bienvenue. On prend une légère pause musicale. On va aller s'entendre une pièce du côté anglophone, Tania, parce que le côté francophone, on dirait qu'on a comme brûlé nos chansons pas mal. Je pense que oui, hein, on a fait le tour. On est tanné. On a beaucoup de francophones à jouer, pas mal. Alors, ça va entendre The Andy Kaufmans, qu'on a adoré la dernière fois qu'on l'a entendu. C'est la pièce Inked Heart à Assemblage Rock. Ah, c'est ça, le MP3, il marche pas. Ah, c'est merveilleux, on adore ça. Ouais, c'est vraiment cool. Fait que je vais mettre le fond, ça va? Je vais trouver ça. You need, I'll be the notes, you be the key. The Andy Kaufmans avec Inked Heart sur les ondes de C'est fou 89 FM ce matin dans l'émission Assemblage requis, bien évidemment. Mathieu, j'ai entendu dire que c'est à toi de nous parler. Ben oui, c'est ça. C'est le moment de dépenser l'argent qui s'en vient dans la paye de demain pour ça. Donc, on va mettre ça sur crédit. Pour l'instant, c'est ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Ça ne devrait pas être là où on s'achète des choses sur Internet et on le regrette instantanément. Pour commencer, par contre, c'est pas nous qui allons acheter quelque chose, c'est Levi's qui a acheté quelque chose, c'est-à-dire la plus vieille paire de jeans de femmes au monde. Ooh. L'histoire des jeans. Tu connais un petit peu l'histoire des jeans? Non. Après avoir donc acheté des pantalons, des shorts en fait de denim, c'est ça, des shorts d'un marchand basé à San Francisco, Levi Strauss, quelqu'un nommé Jacob Davis s'est inspiré un petit peu de ça et a renforcé ces jeans-là avec des rivets. Okay. Au point les plus vulnérables, ces petits trucs de métal qu'on connaît sur les pantalons. Les deux hommes d'affaires se sont procurés un brevet pour le concept du blue jeans en 1873. Et peu de temps après ça, les pantalons ont été appréciés par les gens dans les mines, les cowboys et les gens de la classe moyenne. Mais leur popularité avec les femmes, c'est pas arrivé tout de suite. Levi Strauss & Company a produit la première ligne de jeans pour femmes dans les années 30. Et maintenant, Time nous dit que la plus vieille paire survivante de jeans pour femmes vient d'être achetée par la compagnie. Donc, c'est une paire de jeans avec une très très haute taille, avec un patch en arrière en tissu. Et puis, c'est ça, ça a été découvert par un collectionneur de vêtements. À l'origine, ça appartenait à une enseignante nommée Viola Longacre, qui est morte en 2014 à l'âge de 100 ans. Elle a fait sa maîtrise et son baccalauréat à Fresno State College. On dit que la paire a été faite avant 1934, probablement. C'est l'année où la collection pour femmes Lady Levi's est sortie. Et le fait que Levi Strauss & Co. a mis un patch à l'arrière, en tissu à l'arrière, à la place de mettre du cuir, mène l'historienne Tracy Panic à croire que c'était une batch expérimentale qui était faite pour voir si les femmes voulaient ce genre de produit-là. Donc les jeans ne sont pas devenus quelque chose de commun chez les femmes avant la Deuxième Guerre mondiale. Justement, Levi Strauss, Strauss & Company l'a nommé Viola, la paire de jeans, en hommage à sa propriétaire d'origine. Il y a aussi la plus vieille paire de jeans d'hommes qui, elle, a été produite en 1879, c'est dans les archives de la compagnie. Ouh! Mm-hmm. Tantôt, on a parlé avec Alicia Lemieux d'amener ses propres contenants au magasin. Certainement. Et ouais, justement, les gens amènent leurs propres contenants dans un marché, en fait, qui est sans emballage du tout en Angleterre. Une façon de réduire son impact environnemental en faisant ses commissions, bien sûr. C'est chez Earth Food Love à Devon, en Angleterre, où on est vraiment écologique, parce que Business Insider nous dit que chaque produit vendu dans la bâtisse demande aux gens d'amener leur propre emballage au complet. Donc, c'est Richard Eckersley qui a ouvert ce marché-là avec sa femme Nicola, après s'être fait un nom dans différents domaines. Eckersley est connu surtout pour son époque en tant que joueur de soccer pour le Manchester United. Ah, mais oui. Récemment, il a changé de carrière pour aider la planète. Il dit qu'à chaque fois qu'on fait un achat, on vote pour le genre de monde dans lequel on veut vivre. Donc, on veut un monde qui va durer longtemps, pour plusieurs générations. Vous pouvez aller voir des photos de ce marché-là. C'est vraiment comme un genre de marché en vrac avec des pots en vitre. C'est le fun, ça. En fait, moi, je trouve ça beau comme style de... Très beau. Ouais. Ouais. Comme style de marché. Exactement. Ensuite, continuons avec du parfum. C'est une alarme, un réveil matin, un radio-réveil, peu importe, qui vous promet de réveiller vos enfants avec leur odeur préférée. Oh boy! Ah oui, il y a plein de cadrans bizarres dans le monde, mais celui-là, vu par Engadget, réveille les gens en émettant des parfums, des odeurs inspirées par des personnages célèbres de films pour enfants. Donc, que ce soit Frozen ou Despicable Me ou plein d'autres contenus comme ça, c'est la compagnie Bessen qui a fabriqué ce radio-réveil-là. En 2015, les créateurs ont lancé leur concept sur Kickstarter sous le nom de Sensor Wake, qui avait donc des odeurs vraiment sophistiquées comme bar de mer, espresso, croissant et gazon. Et bien maintenant, avec le nouveau nom Bessen, ils espèrent attirer plus les enfants. Donc, leur ligne de Radio Réveil Junior est une collaboration avec une compagnie de technologie pour enfants, Lexibook. Donc, il y a entre autres un réveil matin avec Frozen, avec Olaf dessus, et Despicable Me, évidemment, avec des mignons. Pas le choix, hein? Le premier appareil sort donc un parfum de menthe poivrée et le deuxième sent évidemment les bananes. On va aussi avoir une fragrance de pêche pour les gens qui aiment les Barbies. Et on a une fragrance aux fraises sucrées pour les princesses de Disney. Pour les parents qui aimeraient pouvoir vivre la même chose, qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais est-ce que ça réveille vraiment? J'imagine que l'alarme sonne quand même. C'est pas mal plus l'alarme, c'est ça. C'est ça, mais l'odeur fait au moins que tu te réveilles de bonne humeur en sentant... OK, je suis d'accord. Un bon parfum. Et justement, pour les adultes, ils ont annoncé une version mise à jour de leur système de réveil matin olfactif. Pour les adultes, le modèle va utiliser de la lumière et de la musique pour réveiller les propriétaires à la place de seulement se fier sur l'arôme. Donc, les nouveaux produits devraient arriver à l'automne 2017, donc là, dans les prochains mois. Ensuite, vraiment simple celui-là, c'est un porte-clés avec un fil de manette de Nest. Les fils de manette Nest, ouais. Il y avait un bout genre rectangulaire. Donc le fil coupé, si on veut, avec un cordon pour l'attacher après ton porte-clés. Et quand tu achètes l'ensemble, ça vient avec un faux Nintendo. OK. OK, que tu mets sur le mur et ton porte-clés, dans le fond, tu vas le brancher dans un port manette. D'accord. Donc quand tu pars de la maison, tu débranches ta manette de Nintendo, tu pars avec tes clés. Puis quand tu reviens à la maison, tu rebranches ton fil dans le truc sur le mur. C'est un système, donc, pour ne pas oublier ses clés. Un peu comme des crochets, mais à la place, c'est une console de jeux vidéo. Ouais. Vraiment super joli. Une très belle addition pour n'importe quel mur de gamer ou de personne un petit peu geek. On peut organiser ses clés, bien sûr, avec ça. Et la porte de la cartouche, comme tu te rappelles peut-être sur la NES, tu peux ouvrir la porte de la cartouche et ça révèle un endroit pour garder d'autres petits trucs, là, des cossins, là, ton canif, peu importe. Donc, parfait pour un collectionneur, entre autres, ou juste un amoureux des jeux vidéo. Ensuite, quand on... je sais que je devrais pas parler de ça trop fort, là, Tania. L'alcool en ce moment, tu sais. Faut pas trop prendre l'initiative de s'acheter des produits qui vont te faire mieux boire de l'alcool. Ouais, c'est ça. Moi non plus. Ouais. On se calme. Mais il vient un temps où on vieillit. Hein? C'est ça, on vieillit. Certains plus rapidement que d'autres. C'est ça. Donc, si tu veux boire de la bière en regardant la télé, mm-hmm. C'est plate parce que tu vas te cacher la vue. Avec ton boc de bière. Ah, ben oui, clairement. Quand tu prends une bouchée. Une bouchée. C'est ça. Donc, c'est un boc de bière avec un angle. Ah. Donc, tu as le boc complètement normal, mais sur le dessus, donc là où tu mets ta bouche, imagine-toi qu'au milieu de ça, ça commence à faire une pente vers le milieu vertical du boc. Donc, vous allez pouvoir prendre votre bière tout en voyant quand même la télé. C'est fait en plastique, environ une pinte à l'intérieur, et ça ne bloquera pas ton champ de vision pour 16$. Mm-hmm. C'est parfait. Que ouais. Vous essayez d'arrêter de boire ou que vous continuez de boire ou que vous buviez, comment dire, des choses moins mauvaises pour votre digestion que de la bière, je pense que ça pourrait fonctionner avec pas mal n'importe quoi. Ouais, je pense que ouais. Ensuite, justement, parlant d'alcool, les Beer Savers, c'est des capuchons de bouteilles en silicone. OK. En silicone. Ah, pour pouvoir la refermer. Pour pouvoir la refermer, exactement. Donc, c'est du silicone flexible, coloré. C'est fait pour fonctionner avec n'importe quelle bouteille de bière. Ça vient en emballage de 6. C'est parfait pour ceux qui boivent souvent dans des bouteilles. Pour 10$75 canadiens pour l'ensemble. Donc, vraiment, c'est la même forme qu'un bouchon, mais en silicone. Ensuite, ouais, vraiment. Ensuite, on change de domaine complètement pour le Tech Restarter. Des fois, tu peux avoir besoin qu'un ordinateur se redémarre pendant la nuit. Oui. Tu veux pas avoir à t'installer un logiciel, là, c'est tellement compliqué. Oh, ça prend tellement de temps, des fois. Tellement! Ou sinon, tu veux redémarrer quelque chose d'autre, quelque chose que ça dérangerait peut-être moins de le redémarrer en faisant juste off et on, là, parce qu'un ordinateur, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Mais bref, c'est un petit timer qui redémarre, en fait. On suggère ici de l'utiliser pour le routeur et le modem. Ah, parce que moi, je sais pas pour toi, t'as une compagnie internet indépendante. Oui. Ça fonctionne bien, t'as pas à redémarrer rien. Présentement, j'ai rien eu à redémarrer jusqu'à présent. Ça fait genre 2 mois, fait que t'es quand même ouais. Heureuse. Moi, je suis avec une compagnie plus multinationale, mm-hmm. Qui offre la fibre optique. Ouais. Et depuis 2 semaines, je dois. Ouais, c'est ça. Depuis 2 semaines, je dois redémarrer le modem littéralement okay. À chaque jour ou aux 2 jours. Ah, tant que ça. Ça me tape ses nerfs, je vais finir par les appeler quand je vais être vraiment tanné. Mais aussitôt que je le débranche, je le rebranche, tout fonctionne très bien. Donc, c'est un petit timer, comme je viens de dire, que dans lequel tu branches ton routeur, ton modem, peu importe, et tu peux le faire redémarrer à l'heure que tu veux. Donc, disons à 4h du matin, ça va éteindre ton courant et ça va le rallumer. Donc, problème résolu, plus besoin d'avoir de problème d'Internet. Évidemment, ce serait le fun de pouvoir avoir de la personnalisation de plus, comme par exemple une fois par semaine, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est ça, c'est allumé tout le temps, sauf éteint pour 4 minutes. Une fois par... non, ça c'est pour l'autre gadget que la personne a trouvé dans l'article. Il y en a des gadgets pour éteindre une fois par semaine, mais celui-là, le Tech Restarter, c'est pour tous les jours. Voilà, pour un seul appareil, tous les jours. Ensuite de ça, on reste dans la technologie un petit peu avec une clé USB de la compagnie Lexar. C'est une des marques que je n'aime pas du tout. Tous les produits Lexar que j'ai achetés ont fini par me péter dans les mains assez rapidement. Mais quand même, ils ont eu une bonne idée. C'est pas les seuls à l'avoir eu, mais quand même, ça n'est pas cher. Donc, c'est une clé USB qui fait que c'est possible de voir l'espace qui te reste dessus sans avoir à la brancher. Donc, c'est compatible avec Mac et PC. Il y a un affichage qui est toujours allumé. et qui va vous dire, dans le fond, sur un dessin, si on veut. Donc, c'est comme une ligne. Mm-hmm. Et il y a de l'encre à l'intérieur et ça dit la capacité de la batterie. Donc, si la barre noire est au quart, ça veut dire que tu as le quart de prix, etc., etc. Donc, voilà. C'est quand même disponible dans la plupart des grandeurs, des tailles de clés USB disponibles sur le marché. Celle-là, si je me rappelle bien, c'était une 100 gigs. Est-ce que c'est bien le cas? 64 gigs, pour 70$. Il y en a une de 32 gigs, une de 16 et une de 128 gigs qui, elle, coûte seulement 50$. Donc, 128 gigs pour 50$ ou 64 gigs pour 70$, j'irais pour le 128 gigs, probablement. Pour genre la moitié du prix. Ouais. Deux fois plus de place pour la moitié du prix, c'est toujours très logique, les prix dans la vie. On parle souvent dans cette chronique de club du mois, que ce soit de l'alcool, que ce soit des desserts japonais, des produits pour les chiens. C'est vrai. Il y a toujours quelque chose. Imagine si t'avais un club pour les amateurs de barres d'arachide et de confiture, mais gourmet. Oh boy. Oh, le gourmet PB&G of the Month Club. Quel meilleur cadeau pour un foodie. À chaque mois, vous allez donc recevoir des sandwichs, oui, remplis de beurre d'arachide et de confiture de gourmet, bien sûr, donc de boutiques spécialisées de partout sur la planète. Donc, vous recevez vos sandwichs déjà faits. OK. C'est pas un pot que tu tartines toi-même. Ouais. Ils te livrent des sandwichs. C'est drôle, quand même. N'importe quoi, hein? Vraiment. Ouais. Je vous dirais pas que... sûrement que le prix a été mal inscrit sur le site, là, parce que ça dit 686$. OK. D'après moi, ça doit pas être le prix de ça. Mais bon. Y a aussi, sinon, il envoie un lien sur Amazon pour vous acheter de la crème glacée PB&J. Ça a l'air très bon aussi. Du gruau, pardon. Pas du gruau, pas de la crème glacée. OK. Ensuite, on termine ce premier bloc avec Rodeo Boy, une machine pour faire de l'exercice plutôt étrange. Ouais. Ça demande de la motivation, s'entraîner, hein? Ici, ouais. C'est un appareil qui veut vous faire faire du rodéo, donc ça pourrait vous divertir en même temps. Ouais. Bon. Ouais. Bon, ça ressemble à autre chose, là, parce que tu montes dessus. C'est étrange, un peu. Ta monture. Donc, le Rodeo Boy, 6 vitesses, des sessions de 20 minutes. C'est 772$ américains pour l'unité. L'appareil peut vous permettre de vous faire des muscles abdominaux et peut-être autres, étant donné que vous êtes monté sur une... sur un banc, avec une position... Ben, c'est comme un taureau mécanique. C'est comme un taureau mécanique, en effet. Ça aussi, c'est sexuellement louche. Oui. De regarder les gens faire du taureau mécanique. Oui. Donc, c'est la même chose, mais à la maison. Exactement. Ouais. Dans ton salon. Japan Trend Shop. Voilà pour les 10 premiers articles. On s'en tape tantôt. Une autre dizaine, peut-être même plus, dans un deuxième bloc de Ça existe. Mais avant ça, on est dû pour prendre une petite pause. Donc, au retour, Ça existe. Et dans une demi-heure, un deuxième Tania is gonna jump. Oh, ouais. OK. Pour l'écouter. 89.1. C'est la deuxième heure d'Assemblage requis en ce mercredi 27 septembre 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Plonge. Dans quelques instants, on va continuer à Sex, mais ça ne devrait pas là avec d'autres gadgets ridicules. Mais avant ça, on s'en va entendre une pièce de Maud Audet. Oui. Qu'on aime bien. On adore. La fille et la chanson. Tout à fait, c'est Galloway Road. Exactement, et tout ça sur la radio Mucus. Je veux dire, la radio Campus, c'est trop bien. C'est fou, 89. Je suis tellement pas un bon acteur pour faire semblant que c'était naturel. Ouais, t'es drôle, par exemple. Merci beaucoup. Et je Maud O'Day ou Maudet avec Galloway Road sur les ondes de Sifu. C'est tellement ma référence préférée, Maudet. Ah voilà. Oui, tellement, moi aussi. Bref, voilà, à Assemblage Requis, on continue avec une deuxième partie de Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Ça ne devrait pas, là, la chronique où on achète des choses sur Internet et on le regrette juste après. Commençons par, mettons que t'es enrhumé ou que t'as pas envie de bouger, t'es paresseux peut-être, paresseuse, mm-hmm. hein, et t'as pas envie de te déplacer jusqu'à ton réfrigérateur pour aller chercher à manger ou à boire. OK. Ça peut arriver, ça? Oui. Est-ce que t'aimerais avoir un réfrigérateur qui vient à toi? Ouais. Et est-ce que t'aimerais pouvoir l'appeler par son petit nom? Ben oui, certainement. Ah ouais. Viens-t'en, frigo. Tu l'appellerais genre frigo calo. Donc, c'est lié à l'IFA 2017 que Panasonic a décidé de dévoiler son concept Moving Fridge. Donc, c'est un réfrigérateur qui bouge et il se met en marche au son de votre voix. Répondant à différentes commandes vocales, l'appareil est même capable de vous recommander quelque chose à manger avec votre boisson et vice-versa, un petit agencement, hein, vraiment bien, compact et relativement discret. Ça lui permet de se ranger un peu partout dans votre intérieur, parfait pour des maisons petites et ou pour celles ou ceux qui se préoccupent de leur décoration parce que c'est quand même assez joli. C'est qu'un concept pour l'instant, on peut pas encore l'acheter, mais un jour peut-être, est-ce que ce sera commercialisé? Le Panasonic Moving Fridge. Ensuite, des vêtements qui grandissent avec les enfants. Ouais. Tu sais, c'est plate de devoir acheter des vêtements, de devoir acheter des enfants à chaque fois que tu veux changer tes vêtements. Ouais, hein? Je suis d'accord. Un jeune diplômé du Royal College of Art en Angleterre a inventé une ligne de vêtements qui accompagne les enfants dans leur croissance de 6 à 36 mois. 36 mois étant 3 ans, c'est ça? Oui. 12, 24, 36. C'est ça. 36 mois. Pourquoi est-ce que tu t'entêtes à dire 36 mois, c'est 3 ans? Bien. La technologie employée est dérivée de l'aéronautique et quand même, c'est pas n'importe quoi. Donc, une invention que, bon, que les générations de parents, bon, aimeraient bien depuis toujours avoir. Et la voici maintenant grâce à Ryan Yassin, 24 ans, qui s'est servi de ses compétences d'ingénieur pour créer une ligne de vêtements qui grandissent au rythme de celui qui les porte. Ça s'appelle Petit Pli, en français. La collection s'adresse aux enfants âgés de 6 à 36 mois, comme j'ai dit. Mm-hmm. Les plis se détendent à mesure que l'enfant grandit. Mais le procédé n'est pas simplement mécanique. La fibre est traitée de manière à développer des propriétés dites oxytiques. En s'étirant, celle-ci s'étend dans toutes les directions. On dit alors qu'elle a un coefficient de poisson négatif. Concrètement, le vêtement peut donc avoir les manches qui s'allongent, mais elles s'élargiront proportionnellement et la fibre s'épaissira aussi afin de garantir une bonne résistance. Oh, d'accord. C'est fou, hein? Ouais. Ryan Yassin s'est servi de ses connaissances en ingénierie aéronautique pour mettre au point ses petits plis. Ces derniers résistent aussi très bien au lavage, selon ses dires. Ils sont d'ailleurs dotés de propriétés hydrofuges, ruinant tous les efforts de votre enfant de se tremper en quelque part un produit comme du jus sur le vêtement. Ça devrait être hydrofuge, donc être repoussé. Voilà. Entièrement recyclable, ça propose une solution à l'immense pression sur l'environnement que représente l'habillement pour enfants. Une famille consacre en moyenne plus de $2,000 américains environ à habiller les petits de la première, dès les trois premières années de leur vie. Voilà, lauréat du prix Dyson créé par l'inventeur des aspirateurs du même nom. Ryan Yassin compte utiliser les 30 000 livres de récompense pour créer sa société et commercialiser ses vêtements. Idée géniale. Ouais, c'est très très bon comme idée. Vraiment fort. J'ai dit $2,000 américains, c'est environ 2350. OK, ouais. J'avais dit c'était 2 000 € dans l'article. Il me semblait que c'était plus proche que ça du dollar américain. Mais bon. Ensuite, un gilet intelligent pour chiens errants qui a été développé en Thaïlande. Un gilet intelligent, donc une smart vest, comme on pourrait dire. En Thaïlande, donc les chiens errants courent les rues. C'est difficile d'endiguer le problème. Donc, l'idée est développée par l'agence de publicité Chile, qui se trouve être une filiale de Samsung, et de faire de ces animaux des gardiens de la ville, des veilleurs. Si on veut. Ces gilets intelligents ont une caméra vidéo cachée et des capteurs qui peuvent diffuser en direct des vidéos lorsque le chien aboie excessivement. Donc l'homme pourrait potentiellement intervenir en cas de conflit ou de violence. La caméra montre ce que le chien voit via un téléphone portable et une application. Charles a commencé à travailler sur le projet en mars 2017. Il aura fallu 5 mois pour tout mettre en œuvre. Soy Dog Foundation, une organisation dédiée à la sauvegarde de chiens errants et de chats en Thaïlande, a d'ailleurs félicité l'initiative. Les tests vont bientôt commencer. Donc, pour les chiens, avec des petites vestes et des caméras. C'est cool. Insta GIF Next Step, un Polaroid capable d'imprimer des GIFs animés. Hein? J'ai regardé cet article-là et je suis tombé sur les fesses. C'est malade. Non, mais c'est pas exactement ce que tu penses, mais quasiment. Okay. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Ça te l'imprime en photo. Ben, ça tu vas voir, parce que c'est un peu ça. Ça bouge plus. Ça l'imprime en photo, et quand tu mets ton téléphone devant, ça l'allume dans ton téléphone. Mais c'est que ça suit la photo. Si tu regardes la vidéo, là, c'est vraiment, vraiment cool. Fait que ça doit fonctionner avec comme Instagram. Attends un petit peu. Est-ce que c'est celui que j'ai vu? Parce que j'en avais vu deux, puis je pense que celui-là, c'est pas celui que je pensais. Attends un petit peu. Il est-tu plus tard dans la même chronique? J'étais pas mal sûr de les avoir mis ensemble. Parce que l'autre que j'ai vu, c'était vraiment celui-là que tu faisais imprimer une photo qui provenait d'une vidéo que tu avais prise sur ton téléphone. Okay? Okay. Et quand tu regardais la photo avec ton cell, tu pouvais tasser la photo et ça suivait la photo. Okay? Okay, je vois. Et ça restait animé sur ton téléphone. Là, c'est pas celui-là dans l'article, malheureusement. C'est pas celui-là que je voulais mettre. Bon. Donc, c'est vraiment... ça dit que le clip n'est pas imprimé à proprement parler sur du papier, mais c'est un écran vidéo, donc c'est une petite cartouche avec écran intégré. Donc l'InstaGift Next Step, un appareil capable d'imprimer entre guillemets votre GIF sur une petite cartouche avec écran. C'est incroyablement complexe, nous dit-on. Ça a été réalisé de zéro, y compris le mécanisme de chargement et de libération de la cartouche et les batteries séparées pour alimenter l'appareil et la cartouche. Le créateur a aussi publié un album détaillant le processus de conception de cet appareil. C'est sur assemblagerequis.com si ça vous intéresse. Je suis en train de chercher l'autre que je voulais vous dire et je ne le trouve pas vite comme ça. Dommage. Sûrement dans une prochaine chronique. Je vous rappelle que c'est quand même récemment que j'ai trouvé ça. Ensuite... ton crayon de plomb, Tania, au primaire. Oui. T'aurais aimé ça pouvoir l'utiliser pour comme un slingshot pour envoyer des trucs sur les gens. Clairement. Mélanger deux affaires ensemble, un crayon de plomb et un slingshot. C'est ce que nous propose donc le Pen Pow de Animi Kosa. Donc c'est ça, le Pen Pow qui est un clip de métal avec ressort qu'on peut installer sur le dessus d'un crayon numéro 2. Et ça donne des heures de plaisir pour lancer des boules de papier, entre autres. Pen Pal qui coûte $11 américains sur animicausa.com. Voilà. C'est sur assemblagerequis.com, évidemment. Ensuite, quand tu te maquilles le matin, que tu te coiffes, que tu te regardes, tu te pavanes dans ton miroir, tu sais évidemment que le miroir, c'est l'image inverse de toi. Mm-hmm. Tu sais que c'est inversé gauche-droite, tout le monde sait ça. Ouais. Et quand tu vois sur une vidéo, tu te dis, mais je ressemble donc bien pas à ça dans ma tête. Mm-hmm. Tu sais? Des fois, bon, on va. Si on Skype ou on FaceTime, les applications sont faites exprès pour remettre la photo en mode miroir. Donc, toi, tu te vois en miroir, mais la personne te voit à l'endroit, tu savais ça? Parce que sinon, ça devient mêlant de lever ta main et c'est pas la bonne qui se lève. Donc, ils ont comme inversé la photo pour que toi, tu sois correct. Mais si tu voulais vraiment voir ta vraie image dans un miroir, il y a un miroir inversé, ça existe. Okay. C'est incroyable. Ça doit être bizarre. Vraiment. True Reflection Mirror. Ça vous montre les choses comme elles le sont vraiment, sans renverser les côtés gauche et droite. En les re-renversant, j'imagine. Mais comment tu peux faire ça? J'imagine que c'est un miroir avec un miroir qui miroite le miroir. Peut-être. Je sais pas. Mais ça coûte $300 canadien. On va rester avec les réflexions bizarres. C'est disponible sur Amazon.ca. Ça ressemble à une boîte, donc je crois qu'il faut que tu mettes le produit dans la boîte. Donc peut-être que tu pourras pas toi te voir. Peut-être que tu pourrais entrer ta tête dedans. Ensuite, des écouteurs. On dit tout le temps de prendre des écouteurs qui vont par-dessus les oreilles, non pas dans tes oreilles. Ça peut créer des problèmes d'audition plus tard. Ben imagine si tu pouvais te servir d'écouteurs qui vont sur tes oreilles pour en plus te nettoyer les oreilles. Mm-hmm. Ça viendrait régler plein de problèmes. Donc c'est des écouteurs AutoSet qui font de l'irrigation de vos oreilles en plus d'avoir un mouvement de suction continu. Ce qui va nettoyer vos oreilles en moins de 35 secondes. Donc c'est vraiment une paire d'écouteurs par-dessus les oreilles. Et t'as à l'intérieur un petit tuyau, et le tuyau vient aspirer ce qu'il y a dans ton oreille à chaque fois que tu les mets sur ta tête. J'ai eu un hacker en même temps. Ouais, ça doit être vraiment bizarre, par exemple. Ouais, effectivement. Comme sensation, là. Très bizarre. Ensuite, on parle souvent de brosse à dents, mais rarement est-ce qu'on parle de brosse de toilette dans la chronique. Ouais. Donc, c'est Spin Dry, une brosse de toilette que tu savais pas que t'en avais besoin, mais t'en as vraiment besoin. OK. Est-ce que tu penses des fois à ta brosse de toilette? Certainement. Moi, rarement, sauf quand j'en ai besoin pour laver ma toilette parce que je la trouve sale. Hein? Donc, la Spin Dry Toilet Brush de la compagnie Dream Farm ressemble à une brosse de toilette bien normale avec sa petite brossette au bout. Et évidemment, le bâton pour tenir ça. Et il y a une base avec un poids pour jamais renverser la brosse sur le côté. Comment est-ce que ça diffère des brosses traditionnelles qui, en fait, on connaît déjà les brosses qui tournent quand tu squeezes, là, comme on les voit en infopub. Donc c'est un peu le même principe, sauf que l'action de tourniquet va repousser le liquide dans la balle de toilette au lieu de le repousser, ça à l'extérieur de la toilette. Souvent quand t'as une brosse qui spin, comme on les voit à la télé, ça spin et l'eau finit par aller un petit peu partout à côté de la toilette. C'est dégueu. Donc Dream Farm essaie de faire le contraire en ramenant les saletés vers l'intérieur. Disponible en bleu seulement pour 25$ chez dreamfarm.com. Cool quand même. Très cool. Ensuite, les ceintures, c'est bien le fun pour tenir un pantalon, mais Colin, si on se fie à Batman, ça devrait faire pas mal plus d'affaires. Et certainement. Ta utility belt, donc arrêtez d'oublier des choses partout, attachez-les à votre everyday carry utility belt. Donc c'est une ceinture de cuir, comme on aime le cuir. Donc c'est rempli en fait de... il y a 4 boutons, des snaps, qui sont faits pour sécuriser des affaires, comme vos clés, votre téléphone ou votre portefeuille à votre ceinture. C'est pas la chose la plus chic au monde. Ouais. C'est des petits boutons à snap sur lesquels tu attaches des choses comme, mettons, ton téléphone. Okay? Et le snap, tu peux l'attacher ou le détacher de ta ceinture quand t'en as besoin. Mais sinon, ça pendouille sur le côté. Oh, je suis pas certaine. Pas certain moi non plus, celui-là, pour vrai. Je préférais l'autre, j'avais parlé à un moment donné de genre de l'équivalent d'un sac banane, mais c'était une ceinture dans laquelle t'avais des poches. Oh boy. Une ceinture à poche. Mais tu sais, c'est en dessous de ton chandail, c'est quand même moins... c'est moins laid que d'avoir des clés qui pendent sur le côté. Oui, non, c'est sûr. Hein? C'est comme l'ancienne mode là, des clés que tu mettais après un long truc. Ouais. On connaît tous quelqu'un. Il y a aussi... tiens, justement, tu vois, là, j'ai fait mon travail correctement et je l'ai placé juste après. La ceinture dans laquelle il y a des compartiments. Et pour vrai, ça a l'air d'une ceinture normale. Donc, pour mettre de l'argent, des clés, de la petite monnaie. Pour vrai, là, si t'es une fille et que t'as pas de poche après tes pantalons, mais que t'as des ganses... Ouais, mettons. Hein. Tu pourrais te procurer cette Hidden Pocket Leather Belt pour des petites choses, des vraiment petites choses. C'est un design super élégant. On peut le porter, que ce soit pour des affaires de classe ou des affaires avec de la classe. Pas de classe. C'est pas laid, hein. Le compartiment est à l'intérieur de la ceinture, donc tu le verras pas de l'extérieur. Je pense que c'est ça qui me chicote chez les pantalons de filles. Le manque les de poche. Les pantalons de femmes, ouais. Tout à fait d'accord. De poche. Je comprends quoi, pas. Vous pensez qu'on met rien dans nos pantalons? Ils se disent que vous avez une sacoche, j'imagine. Ouais, mais je sors pas avec ma grosse sacoche. Ouais. Là. Mais sûrement, vous aimez pas. Peut-être qu'ils ont fait des tests et les femmes aimaient pas avoir des bourrelets sur les cuisses. Parce probablement. Je me rappelle que quand j'étais jeune, je détestais devoir replacer les poches de mes pantalons. Ouais, non, je sais, j'ai eu ça. Je me suis vu en photo souvent. Tu sais, on me prend en photo pour des événements et je vois l'ampleur de ce que j'ai dans mes poches. Ouais. Et je trouve ça laid. J'aime pas Oui, clairement. Pourtant, j'ai probablement le portefeuille le plus mince au monde. Mais on dirait que peu importe ce que tu as dans tes poches, ça paraît puis c'est laid. Donc j'aimerais bien pouvoir me servir de cette ceinture-là, mais malheureusement j'ai trop d'affaires à transporter. Comme la plupart des gens. Hein? Pas pour rien, j'ai un sac à dos. Ouais. Ensuite, on parle du Kensington Very Mark. Si t'as un portable, Tania, en fait je sais que t'as un portable. Est-ce que t'as un lecteur d'empreintes sur ton portable? Ah, non. D'empreintes digitales, non? Non. Est-ce que t'aimerais ça en avoir? Bof, on s'en fout. C'est ça. Mais tu pourrais peut-être faire tes paiements avec ça ou sécuriser ton ordinateur, le débarrer. T'aurais pu taper un long mot de passe. Ouais. Ça pourrait être pratique. Ben justement, Kensington sort le Very Mark Fingerprint Key. C'est en fait un peu comme un dongle pour une clé USB, le petit appareil pour détecter le sans-fil de ta clé USB. Sauf qu'à la place, quand tu te branches dans ta prise USB, c'est un lecteur d'empreintes. OK. Ça l'ajoute sur n'importe quel PC Windows. Donc tu peux vraiment te connecter à Windows et à des différents sites web juste en mettant ton doigt dessus. C'est lisible 360 degrés, donc apparemment tu peux mettre ton doigt pas mal n'importe où dessus. Et t'as une protection incroyable, disent-ils, pour ne pas te faire fonder. C'est compatible avec Windows Hello, sur Windows bien sûr. C'est certifié FIDO UTF, là, un paquet d'autres choses qui sont utilisées par des sites comme Google, Dropbox, GitHub, Facebook et d'autres qui ont l'authentification à deux facteurs. C'est pas compatible avec Mac. OS, ni Chrome OS, malheureusement. Si vous voulez en savoir plus sur le VeryMark Fingerprint Key, c'est Kensington.com. Ça coûte seulement 50$ pour ajouter 50$ US sur Amazon pour acheter un lecteur d'empreintes digitales si vous n'êtes pas encore prêt à mettre un 2000 quelque chose sur certains ordi qui ont ça dessus. Ensuite, la tasse flottante. Ouh, ça me parle. C'est une tasse, on dit flottante, là, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Ouais, là. C'est pas tant vrai. Pas vraiment flottant, mais mettons que tu veux pas faire d'anneau sur ta table de bois ou quelque chose comme ça. Hein? Ben, c'est une tasse qui flotte sur elle-même, en fait, parce que t'as le socle de la tasse qui est pris avec son anse. et l'anse, elle, est attachée à la tasse. Donc, ça fait tasse, une petite boucle d'anse et le dessous, et il y a une distance entre l'anse, entre la tasse et le socle de la tasse. Tout ça ne se touche pas. Mais donc, si c'est froid, ça va tomber pareil. Probablement, ça va tomber sur de la sueur de breuvage. C'est ça. Mais ils disent en tout cas que ça a été pensé pour ne pas faire d'anneau sur votre, sur votre meuble. Et c'est en plus très, très joli, en verre transparent. Très bien, sauf que ça coûte quand même 25 $ canadiens. Ensuite, on a parlé de toilette tantôt, dans la brosse de toilette qui tournait sur elle-même. Ben, cette fois-ci, on a en fait un socle, un rack à papier de toilette qui vous permet de changer le rouleau avec une seule main. Ouh, c'est hot! Il y a un petit gif animé sur assemblagerequis.com, c'est ce qui fait réagir Tania, parce que c'est vraiment une très, très bonne idée. Tu sais, quand t'es en train de faire ce que t'as à faire, là, on saute les détails, et là, tu dois prendre tes deux mains, puis enlever le rouleau de papier de toilette, aller chercher le rouleau de papier de toilette dans l'armoire, l'installer, continuer. Bon, c'est pas le fun. Avec une seule main, avec ce rack-là, tu peux facilement prendre ton rouleau, le nouveau, pousser l'ancien rouleau et lâcher. Et le rouleau tient dans le rack et la petite portière sur le dessus se referme. Oh. C'est parfait. C'est parfait. Et en plus, la petite portière qui t'aide à déchirer ton papier aussi. Donc, c'est parfait pour les personnes qui ont juste une main, hein, aussi. Donc, c'est un rack à papier qui vient du Japon. Donc, pour l'instant, Japon qui vit dans le futur, comme toujours. Et nous, ben, on est pris dans le présent. Par contre, si vous voulez vivre dans le futur, vous aussi, vous pouvez vous procurer quelque chose de similaire. C'est pas exactement la même chose, mais quand même, ça, c'est pour des toilettes publiques, le système dont j'ai parlé. Sur Amazon, il y a un système un petit peu équivalent, quand même 4.5 étoiles sur 5. Ça a l'air bon, 14 US. Quand même. Si vous voulez aller voir ça. Donc, pourquoi pas se simplifier la vie pour une petite tâche comme ça, c'est le fun. Ensuite, barrer sa porte, c'est bien sécuritaire par moment. C'est peut-être un gros lock, mais c'est juste une petite barreuse normale, cheapo, là. Ça pourrait faire que les voleurs vont rentrer chez toi. Mm-hmm. On veut pas ça. Gardez votre maison complètement en sécurité en la barrant avec ce Super Strong Portable Door Lock. Et c'est portatif, donc vous pouvez l'amener à l'hôtel, vous pouvez l'amener chez des amis, peu importe. C'est compact, ça peut être installé et retiré en quelques secondes. Et donc, c'est ajouté à une porte... que tu veux sécuriser. Donc, le système est fait en acier inoxydable. On voit pas vraiment... Il n'y a pas de vidéo pour vous montrer comment ça s'installe ou comment ça tient mieux que le reste. Mais on voit un petit peu à l'endroit où il est placé, on peut déduire comment ça fonctionne. Ça ressemble un petit peu à un ouvre-boîte. T'as comme une partie plate qui rentre dans la porte avec le comment t'appelles ça? Le truc qui... Voyons. Le truc qui est poussé lorsque tu fermes la porte, là. Le petit embout, là, ça se pogne là-dedans, puis ça tient ta porte bien comme il faut. Donc, allez voir ça, 30 $ canadiens, je l'explique super mal, mais pardonnez-moi, allez voir les photos si ça vous intéresse. Mm-hmm. Et pour terminer, tout est intelligent, on dit à chaque semaine, depuis toujours, tout est intelligent. Maintenant, on est rendu avec un masque de sommeil intelligent. C'est le Neuroon Open Smart Sleep Mask. Améliorez votre sommeil et votre éveil. Vous allez avoir plus d'énergie, nous dit-on, en essayant donc le Neuroon Open Smart Sleep Mask qui peut faire tout. Mesurez ce qui se passe dans votre cerveau, surveillez vos mouvements, votre pouls, et ça peut même vous aider à faire du rêve lucide. Tu sais, on aimerait ça des fois, il y a des gens qui essayent volontairement de faire du sommeil lucide, donc de vivre ses rêves en même temps que tu les rêves, finalement. Comment est-ce que tu peux volontairement essayer de faire ça? Il y a des techniques sur Internet disponibles. C'est comme l'écriture automatique. C'est ça. Non, mais c'est exactement la même chose. Donc, 230 $ environ canadiens pour ce masque Neuroon, comme neuron, mais avec deux O. C'est sur assemblagerequis.com. Dans les notes de l'émission 1131, on a fait aujourd'hui, je crois que c'est 30 gadgets dans les deux parties. Donc, vous devriez retrouver les 25 liens, sur assemblagerequis.com. Mm-hmm. Maintenant, on prend une pause. Et au retour, ça va être enfin à toi, Tania. Oh, OK, oui. De me soulager de mon calvaire. Je vais t'aider. Merci, t'es fine. Reste là. Oh, oh, oh, aujourd'hui. On s'en lâche qui pour ça. Oh, oh, oh, aujourd'hui. êtes de retour dans Assemblage requis, accompagné de Mathieu Plonk. Ouais, et de Tania Baudin. J'espère que les gens ne sont pas vraiment partis. J'espère pas, là. J'espère que vous êtes restés avec nous parce qu'on a encore beaucoup de choses. Tellement, on a la moitié de l'émission encore, Tania. Oui. Moi et mon rhume. Et café. Toi pour m'aider un peu. Oui, café et médicaments anti-mucosité. C'est vraiment. Exactement. C'est le fun. Au moins 3-4 fois par année, je pense que je passe par ce processus-là. J'imagine que vous aussi. Donc, on compatit un petit peu les uns les autres. On va avoir beaucoup de plaisir, par contre, d'ici la fin de l'émission parce que Gabriel Béaud s'en vient tout à l'heure avec sa super chronique dans les coulisses de la 8. Ça, c'est vers les 9h. Donc, il faut absolument rester là pour ça. Il y a aussi ta chronique qui s'en vient dans quelques instants. Tania, un petit avant-goût? Oui. Qu'est-ce qui s'en vient? Certainement. On va parler un petit peu de féminisme, de femmes surtout, et fortement d'avancées. D'avancées. Oui, des avancées. OK. Dans quelques instants, dans Tania is gonna entertain ya, mais avant ça, tu nous subjugues de tes sujets. Donc, voici la mystification de Nicolet. À son âge requis. Au 89 FM. En direct de la jungle de Toiré. Difficile de faire des belles voix quand j'ai... Ouais, c'est ça. À croire qu'on a ramené le lecteur cassette dans le studio. C'est fou. On avait ça avant, tu sais, on l'a plus. Mais non, ça sonne vraiment très, très rétro. On dirait que ça a été tapé dans un sous-sol. Mais c'est bon quand même comme mélodie. Nicolet avec la mystification. En effet. Mm-hmm. Maintenant, on retourne à Tania Baudin. Voici Tania is gonna entertain ya. « C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna do T'as toujours l'air aussi excité par ton intro à chaque fois qu'on la joue. C'est ça qui me craint. Ça pompe, hein? On aime ça. Il faut. On parle, oui, le matin. Donc, on parle de féminisme d'avancée. Oui, exactement. Vous allez voir parce que, en fait, je suis tombée sur une nouvelle en particulier qui m'a fait un petit peu réagir. Et par la suite, ça m'a fait voir d'autres nouvelles qui sont sorties sur les femmes en général. Tu veux dire que ça t'a fait réagir femmes? Comme dans, genre, t'as mis un emoji de fille qui fait « wow » sur Facebook, c'est ça? Puis ça t'a donné d'autres ouais, suggestions, c'est exactement. Ça? Exactement. Hein? Un peu. Pas style. Du tout, mais non, on mettons. Va dire que oui. Okay. En fait, je lis les journaux. Ah oui, hein? Ouais. Et j'ai juste comme découlé à savoir qu'est-ce qui s'était passé. Ça m'a amené à d'autres nouvelles de style féminisme. Je ne sais pas si le terme est vraiment très bon ce matin. En fait, je vais vous partager certaines nouvelles, certains organismes. Vous allez voir qui se passe, mais surtout en impliquant des femmes. Mm-hmm. Donc, j'imagine que ce n'est pas nécessairement du féminisme. C'est femmes par association, si on... Exactement. Donc, mon Dieu, ça va bien. Ouais, on est vraiment une excellente équipe. Ouais, c'est ça va. Si vous me le permettez. Oui, oui, je vais divertir les gens parce que tu sais sur Facebook là, les réactions c'est bien le fun, là, mais des fois là, ça peut te faire avoir des fake news pas mal tout le temps. Exactement. Puis c'est surtout avec les réactions aussi qu'on voit comment les gens pensent un petit peu et ça fait en sorte que nous on peut faire des chroniques radio. Alors merci beaucoup à vous tous. Tu peux pas te fier sur tout le monde non plus parce que des fois tu poses une question sur Facebook genre qu'est-ce que c'est le petit fil huileux sur mon café? Exactement. Le film huileux. Et là, les gens te répondent « Ah, c'est parce que, je sais pas, ton verre est mal lavé. Ouais. C'est parce que, je sais pas, l'eau utilisée est pas bonne. » Ou, tu sais, n'importe quoi. Tu peux pas te fier sur Facebook. Non, pas t'es vraiment. Tu faire tes propres recherches. Donc, c'est ce que t'as exactement. Fait. T'as lu des vrais articles. C'est ce que j'ai fait. Ouais. Et je vais commencer avec une nouvelle qui, à la base, était plutôt très négative. Vous vous rappelez peut-être que la nouvelle gouverneure générale du Canada est Julie Payette. Elle a été nommée il y a quelques années déjà. Et puis, il est arrivé quelque chose, en fait, qui a fait en sorte que Julie Payette a été montrée du doigt. Ah, pas l'affaire avec son chum ou son... Non, okay, c'est qu'elle a fait un hommage à Beau Dommage du côté du Parlement, mais elle l'a fait en anglais. OK, mais je vous explique, elle était devant une conférence. Nice damage. Mais elle était devant une conférence qui se donnait en anglais et elle a fait l'hommage, elle a parlé de Beau Dommage en anglais. Ça fait controverse alors que tu fais rayonner la culture québécoise dans le monde anglophone, ce qui devrait. Si elle l'avait pas fait, les gens auraient dit, t'aurais dû le faire. Exactement. Mais là, elle le fait que tu n'aurais pas dû le faire. C'est tout le temps ça. Elle a été pointée du doigt sur le fait que, justement, elle l'avait fait en anglais. Elle n'en avait fait aucun passage du côté de la langue francophone. Ah, et Dieu. C'est drôle parce que hier, en fait, ce qui me fait réagir, c'est la réponse de Michel Rivard par rapport à tout okay. ça. Parce est-ce que c'est positif? Ben, c'est sorti dans les journaux et c'est comme... Bravo, j'ai hâte. Il était temps. Michel Rivard, en fait, a admis que lui-même n'avait même pas remarqué sur le coup que l'hommage avait été fait au groupe Beau Dommage. C'était du côté de Toronto, en passant, que ça avait été fait quasi uniquement en anglais. Mm-hmm. Donc, lui-même ne se s'est pas senti attaqué c'est par ça. Le fait que ça n'avait pas été en français. C'est, en fait, l'auteur-compositeur-interprète Yann Perrault qui a souligné, avec un petit peu de déception et un petit peu de colère, le choix de la langue que Julie Payette avait utilisée, qui est la future gouverneure générale, pour justement rendre hommage au groupe francophone qui faisait son entrée au Panthéon auteurs et compositeurs canadiens. Donc, en entrevue avec la presse canadienne un petit peu plus tôt hier, bien Michel Rivard a indiqué qu'il était concentré sur le propos et sur l'émotion que dégageait ce que disait Julie Payette. Tout à fait. C'est un petit peu ça la base de rendre hommage à quelqu'un. C'est ça. Ou un groupe. Non, mais tu sais, c'est des groupes québécois, faut que ça reste, c'est nous autres, là. Exactement. Que ça reste chez nous, là. C'est ça, tu sais, faudrait surtout pas qu'ils soient connus ailleurs. Ouais. Donc, il y a plusieurs membres de Beau Dommage qui lui ont d'ailleurs dit la même chose. Good! Tu sais, on s'est pas rendu compte de ça. Donc, le groupe lui-même avait demandé à Julie Payette, avant sa nomination pour le poste de gouverneur général, de justement présenter l'hommage. Et l'ex-astronaute, qui est Julie Payette, Juliette, pour ceux qui ne savent pas qui elle est, elle a publiquement avoué son amour de sa musique en emportant avec elle, par exemple, dans l'espace. Elle avait apporté des disques de Beau Dommage. C'est quelque chose qui avait été mentionné déjà, qu'elle tripait sur ce groupe-là, qui est francophone, qui est québécois. Ouais. Elle a montré justement son amour des textes aussi qui étaient faits du côté de Beau Dommage. Et Michel Rivard, lui, a accepté l'explication que lui a donnée Julie Payette à la suite de cette, entre guillemets, faute de sa part. Oui, c'est ça, parce que ça en est... Justement, qu'elle s'était exprimée en anglais pour pouvoir passer le plus possible le message de l'importance de Beau Dommage au Québec. Ils savent pas, là, dans le Canada anglais. Ben c'est ça, c'est parce qu'en fait, ceux qui l'ont pointé du doigt l'ont peut-être fait nécessairement pas en connaissant les causes de... Ils n'ont pas vu l'événement, sûrement. En fait, ce qu'on voulait faire, c'était de pointer l'importance de Beau Dommage au Québec aux anglophones. Oui. Mais tu sais, c'est ça. Qui étaient dans la salle et ceux qui écoutaient la radio. Donc, ceux qui étaient visés n'étaient pas les Québécois qui connaissent déjà Beau Dommage. C'est pas les Québécois qui chialent tout le temps. C'est les gens en général qui chialent tout le temps. Jamais contents. Mais les gens aiment ça, chialer et critiquer. Jamais. Mais lorsqu'on critique quelque chose qu'on n'a pas pris nécessairement conséquence de comprendre avant, c'est facile. Puis c'est surtout un petit peu fâchant de pointer du doigt comme ça la future gouverneure générale dans quasiment la totalité des journaux québécois. Ouais. C'est parce qu'elle ne se... Elle disait rien aux Québécois, là. T'as aucune chance en tant que gouverneur général d'avoir même un commentaire positif. Mais non, c'est sûr que non. Je pense que les gens sont... C'est ça. Mais c'est parce que... Elle ne... Comment tu dis ça? Elle parlait pas, ou peu importe. Elle s'adressait pas. Elle s'adressait pas à la nation complète du Canada. Elle s'adressait à la nation torontoise, anglophone. Mm-hmm. Fait que j'imagine que t'iras pas leur parler en français. Mais non, c'est ça. T'sais, tu veux faire comprendre que Beau Dommage au Québec... C'est un groupe qui met de l'avant justement l'importance de la langue francophone, qui à travers ses textes, qui à travers sa musique fait en sorte que on a une plus grande connaissance de notre propre langue. Tu dis ça à des gens qui parlent en anglais, tu leur diras pas en français, ils te comprendront pas. Donc Michel Rivard et le groupe lui-même ont pas été attaqués de cette situation-là. Ils ont compris. Mais toutes les autres ont attaqué Julie Payette de l'avoir fait. Les médias québécois ont fait ça. Elle-même a dû s'excuser après. Excuse pas pour ça. Mais... Elle a dit qu'elle aurait peut-être dû glisser un peu plus de phrases francophones, mais elle a apprécié le fait que justement l'importance soit ressentie par les gens qui étaient présents ce soir-là. Même chose pour Michel Rivard. Il dit bon, ok, on est un groupe francophone. Peut-être qu'elle aurait dû s'adresser directement à nous qui étaient présents en français, mais l'importance qui est ressortie de tout ça, c'est justement qu'elle s'adressait aux gens qui étaient là dans la salle ce soir-là et les gens qui étaient à l'antenne de la radio, c'est-à-dire ceux qui étaient anglophones. Mais pour vrai, je pense, si j'ai une faute à lui rendre ou à la blâmer, c'est qu'elle aurait dû voir venir cette controverse-là et aurait dû dire dès le départ pourquoi elle fait anglais, ça, c'est ça. Voici la raison pour laquelle je m'adresse en anglais. Ouais. Ça aurait complètement réglé le problème et c'était plutôt, j'irais, prévisible là, maintenant que t'en parles, maintenant que tu racontes ça. Là, la façon qu'elle a choisi de le faire, c'était prévisible que ça allait chialer. Probablement. Mais ce que je voulais aussi montrer, c'est que si ça avait été, par exemple, je sais pas moi, Justin Trudeau. Disons. Est-ce qu'on aurait dit qu'il s'était adressé à la population de Toronto en anglais en parlant de Beau Dommage? C'est le sujet de Beau Dommage qui dérange. Ouais. Ouais, je pense. Je pense que c'est le fait qu'on parle d'un groupe francophone. Ouais. Du côté anglophone qui a titillé. On veut garder ça pour nous autres, bon. Oui. Hein? Faudrait surtout pas que les autres connaissent nos bons Ben. En tout cas, non, mais c'est ça. C'est... Comme j'ai dit tantôt, c'est pas juste les Québécois qui sont de même à chialer. Mais c'est non. Tout le monde. Évidemment. Mais tu sais, peut-être un petit peu de protectionniste, peut-être un petit peu sous poulet. Peut-être. En général. Hein? Non. Je pense que faut pas le dire, ces affaires. Mais non, on n'a pas le droit de dire ça, exactement. Faut garder ça pour nous. Tout à fait. Par la suite, eh bien, il y a une autre nouvelle qui est sortie par rapport à une femme en particulier, celle qui a été nommée scientifique en chef du Canada. Donc, ça va être une femme qui va être maintenant scientifique en chef. Le premier ministre Justin Trudeau a choisi Mona Niemer, qui est directrice du laboratoire de génétique moléculaire, donc c'est pas une deux de pique, et régénération cardiaque de l'Université d'Ottawa pour occuper le poste de scientifique en chef du Canada. Et lors de sa dernière campagne électorale, bien justement, Justin Trudeau avait promis de créer un poste de directeur scientifique pour rendre accessibles les recherches qui sont produites au sein des ministères, mais aussi faire en sorte que le gouvernement allait tenir compte des conclusions dans sa prise de décision. Ça prenait quelqu'un pour représenter un petit peu ce côté-là du domaine. Et justement, Mme Niemer a quitté ses fonctions de vice-rectrice à la recherche de l'Université d'Ottawa après plus de 10 ans en poste. Donc, on sentait que c'était une femme qui était en connaissance de cause et, comme je le disais tout à l'heure, qui n'était pas une deux de pique. Donc, c'est le fun parce qu'on se souvient aussi que lors de sa dernière campagne électorale, Justin Trudeau avait dit qu'il voulait quasiment le même nombre égal de femmes et d'hommes dans son gouvernement, chose qu'il met de plus en plus de l'avant. Alors, c'est très bien de voir ça. Et Mme Niemer va être responsable d'un budget de 2 millions de dollars. Elle va faire rapport aussi à Justin Trudeau et à la ministre des Sciences, qui est déjà Kirsty Duncan, donc déjà une autre femme, pour conseiller les décideurs du gouvernement. On va essayer de contribuer aussi à la transparence des recherches scientifiques qui se font au Canada. Et on va essayer d'éviter aussi de museler les scientifiques fédéraux, chose qui est faite depuis quelques années et qu'on pointe du doigt un petit peu dans le domaine de la science. Donc, on parle de deux employés qui sont déjà présents dans le bureau pour aider à la transition, mais le bureau de Mme Duncan a indiqué que le nombre de personnel va être décidé par Mme Niemer elle-même. Donc, on devrait voir des changements de ce côté-là. Mais c'est le fun parce que je trouve aussi que ça fait en sorte qu'on montre aux jeunes femmes du Canada, surtout aux jeunes filles, et non pas les jeunes femmes, mais vraiment les jeunes filles là, qui sont aux primaires et qui ont peut-être déjà un petit peu... Un intérêt que pour la politique ou peu importe, pour les sciences surtout, que tu peux faire de grandes choses. C'est ça. Avec des femmes comme ça à la barre de la tête, disons-le, du Canada, bien, ça fait en sorte que ça peut peut-être donner une petite poussée. J'ai déjà eu quelques chroniques où on montrait justement les femmes et les filles dans le domaine de la science qui sont de plus en plus nombreuses. Bien, c'est un petit peu la même chose qui va peut-être et probablement arriver avec cette nomination-là de Mona Niemer comme scientifique en chef du Canada. C'est que maintenant, les jeunes femmes vont l'avoir peut-être comme une mentor. Absolument. Ou comme un exemple. Un modèle. Donc, un modèle, c'est une chose importante et c'est une très bonne chose, je trouve. Ouais. Probablement que certaines personnes vont me dire que c'est un poste complètement désuet et non utile au Canada. Mais je pense qu'il faut faire la part des choses. Il faut commencer à voir les scientifiques comme ils sont et à prendre en considération aussi ce qu'ils disent, chose qu'on a souvent laissé de côté en politique. Là, avec les réchauffements climatiques, avec les changements environnementaux, ça devient de plus en plus important, la science en politique, je pense, si vous me le permettez comme ça. Et je pense que Mona Niemer, ben justement, ça va peut-être faire changer les choses du côté féminin pour les jeunes filles qui ça leur tente pas de suivre leur cours de sciences au secondaire. Exact. Non, c'est ça. Tu sais, je le dis souvent, là, mais les femmes sont moins en sciences, non pas parce qu'elles n'ont pas l'intérêt, mais parce qu'on ne lui montre pas exactement l'intérêt. Exactement, qu'elles peuvent avoir l'intérêt de... On dit tout le temps, les scientifiques, on parle... Tu sais, t'as pas grand philosophe féminine. Ouais. Déjà en partant, ce sont tous des hommes, la plupart. Donc, c'est un petit peu ancré dans l'histoire que c'était un domaine d'hommes avant. Ouais. Mais s'il vous plaît, impliquons-les. Madame Niemer, j'espère qu'elle va se faire un devoir de dire aux jeunes filles que les sciences, c'est un domaine où on peut exceller, c'est même cool si on est une femme. Et tu sais, pour ceux qui disent qu'elle devrait retourner à la cuisine, j'entends dire qu'elle fait d'excellents carrés Mona Niemer. Carina, Mona Niemer. Ouais, et probablement qu'elle vous ferait une potion pas mal pire. Un autre, parce que là, j'ai dit tout à l'heure qu'on parlait d'avancer aussi. Chose qui était... Ça veut dire quoi, ça? Ouais, c'est ça. Bien, Mathieu, on a fait une avancée pas pire du côté de l'Arabie Saoudite, parce que je sais pas si t'es au courant, mais on a enfin autorisé les femmes à conduire. Oui, j'ai entendu dire ça. Alors, on a brisé un tabou et selon moi, c'est un avancée pour la cause féminine parce que dans un royaume ultra conservateur, bien, on avait une vision quand même assez rigoriste et quand même assez stricte de tout ce qui se passait aux côtés de la gente féminine. Donc, c'est la communauté internationale qui a salué la décision historique. Il faut le dire, là, on est en 2017. Le royaume saoudien, le seul pays au monde qui interdisait encore jusqu'ici le volant aux femmes, eh bien là, on a décidé d'abolir ça. Donc, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et le président américain Donald Trump, y ont vu un avancée pour les femmes dans ce grand État arabe, souvent critiqué justement pour son déficit en matière de droits de l'homme et surtout en matière de droits de la femme. Donc, la chef du gouvernement britannique, qui est Theresa May, a félicité elle aussi cette décision-là. On y a vu un pas important vers l'égalité des sexes en Arabie Saoudite. Tandis qu'à Paris, bien, on a espéré que ça allait ouvrir la voie à de nouvelles avancées pour les femmes, surtout de ce côté-là de la planète. Et c'est justement ce que je voulais dire par avancée féminin et avancée pour la femme. C'est tellement différent. Ça va changer la donne un petit peu partout en Arabie Saoudite. Et samedi soir, bien, le roi Salman a ordonné justement la délivrance de permis de conduire qui étaient indifféremment aux hommes et aux femmes. Donc, c'est un décret qui a résonné comme un séisme dans le royaume, mais c'est une mesure qui est réclamée depuis 1990 par des militantes, dont certaines qui ont déjà été arrêtées pour avoir défié l'interdiction. Tu sais, tu te dis, je vais aller à l'épicerie, hein? Mm-hmm. Faut absolument que tu y ailles à pied si t'es une femme. Ça a l'air de rien, mais ouais. Ça a l'air de rien, mais on est en 2017, c'est assez difficile. Et le droit de pouvoir conduire va entrer en vigueur à partir de seulement juin 2018. Ben oui. Donc là, on a accepté, mais il faut quand même les éduquer à conduire. Tranquillement, pas vite. Donc la décision porte quand même un bon lot de tout ce qui va venir avec ça. Comme on le disait, ça va ouvrir des portes pour les femmes de ce côté-là de la planète. Et c'est un jour extrêmement heureux. Il y en a plusieurs qui y croyaient pas encore. On croyait pas pouvoir arriver à cette avancée-là avant de le faire. Donc, par exemple, certaines employées d'une compagnie pétrolière à Dharan, du côté de l'Arabie Saoudite, bien, elle dit avoir conduit à l'intérieur du complexe résidentiel qui est fermé où elle habite, mais jamais sur la voie publique parce que t'as pas le droit. Donc, il y a de nombreuses femmes de l'élite saoudienne qui pouvaient conduire, par exemple, à Londres ou à Dubaï, mais pas à Riyad, qui avait tenté de braver justement l'interdiction en Arabie Saoudite, mais qui avait été systématiquement arrêtée. Donc, c'est comme une concrétisation du courage des militantes du côté de l'Arabie Saoudite qui ont fait campagne pendant des années, qui ont montré que c'était important pour la femme de pouvoir arriver à faire ça aussi. Tu sais, on se dit, c'est tellement banal comme résolution de se dire, bon, ben, on va arriver à conduire. Mais en 2017, de ce côté-là de la planète, c'était encore une problématique. On se disait que les femmes ne pouvaient pas. Donc, selon certains, on pourrait voir peut-être une résistance, par contre, des autorités ou des hommes. Il va falloir faire attention de ce côté-là. Il y a, par exemple, des représentants qui disent que peut-être qu'il va y avoir certaines manifestations par rapport à tout ça. Exactement. Il y a aussi un coût économique parce que en novembre dernier, par exemple, le prince saoudien Al-Walid Ben Talal a connu pour son franc-parler comme quoi il avait lancé un vibrant appel aux femmes pour justement obtenir le droit de conduire et déplorer le coût économique que ça allait engendrer. Donc, les Saoudiennes dépendent pour se déplacer de chauffeurs privés présentement, qui sont soit étrangers ou qui sont des chauffeurs de taxi. Ça favorise pas nécessairement leur entrée sur le marché du travail et ça coûte des milliards de dollars à l'économie. Donc, de ce côté-là, du côté économique, on y voit peut-être une solution, justement, et la décision pourrait avoir un impact économique assez important et ça devrait avoir aussi un impact économique augmentant sur la participation très faible des femmes à l'économie et ça va stimuler la croissance potentielle du PIB. Donc, je lève les deux bras dans les airs, je tape dans mes mains. Oui. Il était temps. Tu sais, honnêtement, on se dit, c'est tellement banal comme situation de se dire, ouais, mais tu peux pas conduire. Tu sais, ça passe quasiment comme du beurre dans le poil. C'est ça le terme? Je sais pas, mais ça a l'air bon. De l'eau sur le dos d'un canard. L'eau sur le dos d'un poil. Tu te dis, c'est pas tant important. Mais quand t'es rendu en 2017, puis tu réalises qu'une femme peut pas nécessairement aller au marché tout seul sans devoir demander à quelqu'un de la conduire. C'est extrême. c'est très extrême. Donc, du côté de l'avancée, je trouve qu'on a fait un bon pas hier avec ça. Absolument, absolument. Et si vous voulez déprimer, allez voir les commentaires Facebook de ces nouvelles-là sur Facebook. Tout à fait, hein? Exactement. Mais c'est... nous, on a fait ça positif. Hein? Oui, c'est ça. Les commentaires Facebook sur Facebook, j'ai trouvé ça beau comme façon de dire. Et le deuxième avancé dont je vais vous parler, bien en fait, c'est un petit peu pour la conjugaison du français. Peut-être que t'as vu passer ça. C'est un article du Devoir qui a attiré mon attention, en fait, qui parle de deux ouvrages qui ont été créés pour reconjuguer le français au féminin. Là, on se dit, OK, peut-être que ça va trop loin. On va devoir voir, certainement, avec le temps, qu'est-ce que ça va donner. Mais la langue, que ce soit aux académiciens ou que ce soit aux jeunes enfants à l'école, c'est forgé par l'usage. Donc, bien évidemment, on parle d'images, on parle de stéréotypes, on parle ici d'histoire aussi. On veut faire réapparaître en toutes lettres le féminin dans le français. Et c'est un petit peu la mission que s'est donnée Suzanne Zacour et Michael Lessard, qui sont deux grammairiens autoproclamés issus du droit, qui ont décidé de signer un doublé, c'est-à-dire une militante grammaire non sexiste de la langue française et un agressif et collectif dictionnaire et critique du sexisme linguistique. Mmh. C'est de très longs titres pour dire qu'on a décidé de relancer le féminin dans la langue française. Parce qu'on se souvient, on dit tout le temps « Oui, mais le masculin va prôner, oui, blablabla. » Mais travaillant moi-même dans un journal, Zone Campus, je trouve ça vraiment lourd d'avoir à écrire tout le temps « étudiant, étudiante » ou « étudiante, étudiant mm-hmm. ». Là, cette année, c'est Marie Labrousse, chef de pupitre, qui a instauré la règle pour l'instant, temporairement, je sais pas, elle est pas sûre, mais de « étudiant ». .es. Oui, exactement. Au lieu de la parenthèse, mais c'est lourd quand mais on même. On voit ça de plus en plus dans les c'est articles. C'est pas beau. On va devoir voir un changement à un certain moment, c'est sûr et certain. Ou un trait d'union, des fois. Bien, on pense en fait qu'on peut atteindre une certaine égalité dans la langue sexiste, parce qu'on va le dire, c'est quand même assez sexiste de dire que le masculin va toujours prôner sur le féminin quand on écrit. C'est ça. La raison d'être de ces livres-là vient en fait du fait que le sexisme linguistique et le sexisme en soi sont extrêmement liés. Donc, pour nous, pour les deux écrivains, les deux projets sont complémentaires. C'était un seul livre au début parce que le sexisme dans la langue se trouve dans la grammaire comme dans le vocabulaire. Si vous vous rappelez, quand on était au primaire, on apprenait tout le temps les choses de façon masculine, pas nécessairement de façon féminine. Et si on regarde même la langue anglaise, c'est très, très rare qu'on va avoir le féminin. Chose que nous, on a de notre côté dans la langue. C'est possible d'avoir du féminin. Donc, le sexisme langagier, selon les deux auteurs, c'est un impact réel sur la vie des femmes. Je vous dirais que je ne me suis pas nécessairement concentrée sur ça dans ma vie. Ouais. J'en ai jamais vraiment fait tout un plat. Mais en 2017, plus on met ça de l'avant, plus on met le féminisme de l'avant, plus on se rend compte que, peut-être, OK, ça a eu une différence sur ma vie. Mm-hmm. C'est sûr que si vous vous dites depuis que vous êtes tout jeune, je vois pas vraiment où la différence entre moi et un gars, je vais vivre comme je veux vivre et le reste... Bien, ça fait en sorte que tu vois peut-être moins les choses comme si elles étaient drastiques. Tu les vois plus de façon homogénéisée déjà en partant. Mais quand on est en 2017 et qu'on met vraiment toutes les choses devant toi avec des statistiques, avec des points qui sont quand même assez élaborés, bien, tu réalises peut-être que, veux pas, tu t'en es jamais rendu compte, mais c'est vrai que le masculin prônait tout le temps sur le féminin. J'ai pas la technique de la GEQTR ici à l'UQTR, bien sûr, d'appeler les postes par leur nom. Plus, pas propre, mais tu sais, c'est président au lieu de président-présidente. Mm-hmm. C'est, tu sais, des trucs comme ça. Sinon, il y avait le mot présidium, je crois, ils utilisaient je sais pas si c'est du latin. Parce que, tu sais, mettons, j'avais une publicité à monter, mettons, pour le journal, tu sais, puis là, ça va être écrit rédacteur, trice en chef, correcteur, trice. Ouais. T'sais, ça devient lourd rapidement, là, tu sais. Mais il n'y a pas tout le temps une façon de le dire de façon générique comme présidence. Ouais. Tu diras pas correction, tu peux dire correction, tu peux dire rédaction en chef, mais après ça, c'est pas toujours évident. Bien, en fait, ces deux recueils-là vont offrir un coffre à outils pour justement appliquer ce qu'il disait qui était de la lourdeur dans les textes. Good. Parce que les deux mêmes auteurs de ces deux livres-là, les deux écrivains, se sont fait dire justement que de féminiser, c'est compliqué, ça alourdit les textes. La langue française est déjà lourde. Bien, oui, on va se avec comme deux dire, fois là, plus de mots que l'anglais. C'est passé, employé avec avoir, tout peu importe. C'est juste dans la longueur des textes aussi. Bien oui, tout à fait. Tout devient plus lourd. Donc, si on a un coffre d'outils pour justement vraiment arriver à appliquer les nouvelles façons de faire du côté féminin, mais on se dit que peut-être que ça va alléger les choses. Donc, on parle d'un vrai manifeste du côté du dictionnaire contre les irruptions pernicieuses de sexisme. Par exemple, les cheveux sur la langue, les discours. On parle de 33 auteurs qui ont réussi à aider à ce beau projet-là. Et on vient souvent des sciences sociales ou, par exemple, du journalisme, de l'édition. On va vraiment essayer de travailler tout ça de façon à avoir des outils pour justement, comme je le disais, faire en sorte que ça va devenir un petit peu plus fluide à la lecture entre, par exemple, l'étude universitaire, le style libre ou le style web ou encore au primaire. Donc, c'est deux choses qui vont être mises de l'avant, qui vont être travaillées, bien évidemment. Ça va être aussi critiqué, ça, c'est sûr et certain. Et de l'autre côté, bien, la grammaire qui repasse d'abord l'histoire des victoires du masculin en français, bien, on va essayer de coller aux travaux irréprochables de certaines personnes une singularité ou une féminité à travers tout ça. Donc, on va essayer de recenser un petit peu avec des exercices qui vont être pratiqués de manière à féminiser un texte dans la conjugaison, par exemple, des verbes ou tout simplement dans les adjectifs. Donc, ce sont des simples noms. On va proposer aussi le recours aux formes historiques. On va avoir divers graphismes. On va avoir aussi de la rédaction qui va être différente. Donc, c'est sûr que c'est pas prescriptif. On dit pas aux gens tu te dois d'utiliser ça. On n'est pas en train de dire aux gens comment écrire. On n'est pas en train de dire aux gens comment ils doivent parler. C'est un travail d'observation. On s'est rendu compte que le féminisme dans la langue française, ça avait été botché depuis plusieurs années. Donc on a appuyé sur des travaux de langue et la féminisation. Bien, ça s'est pas fait de façon historique non plus du haut vers le bas, mais ça se développe au cours des années, surtout en 2017, je pense. Depuis quelques années maintenant, on voit les communautés féminismes pas mal plus grosses que ce qu'elles étaient avant. Donc, on va mettre de l'avant tout ça. On va essayer de voir comment ça va apparaître dans les écoles, comment ça va apparaître dans les textes, exactement, dans les textes, dans les articles. Mais c'est quelque chose qui, selon moi, devait être fait. Oui. Ça a du sens, ça se tient. Oui. J'ai bien hâte de voir comment ils font pour que ce soit pas aussi j'ai hâte de voir aussi. Je dis pas que ça va être chose facile. Je dis pas que ça va être chose non critiquée, comme je disais tout à l'heure. Mais je pense que c'est une avancée pour tout ce qui est féminin. Oui, je suis d'accord. C'est en anglais, la plupart des... Ben, peut-être pas la plupart, je dis n'importe quoi, mais les mots sont souvent unisexes. Ouais. Tu sais, pour tout le monde. Alors qu'en français, on a du féminin, du masculin sur plein d'affaires qui devraient Mais pas. C'est drôle quand même parce qu'on essaie depuis quelques temps d'essayer de justement enlever les genres. Que ce soit féminin, que ce soit masculin, on essaie d'enlever ce genre de choses-là. Dans les magasins de jouets, on fait la même chose aussi. Exactement. Mais dans la langue, on veut que le féminisme soit là. Donc, on va voir comment ça se passe. Voilà. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Une autre très bonne chronique de Tania Esgalante-Tania. On fait ça tous les matins à Assemblage Requis. Maintenant, c'est le moment de prendre une pause. Tout à l'heure, Gabriel Béaud va être avec nous. Qu'est-ce qui s'en vient tantôt dans ta chronique, Gabriel? Oh, plein d'affaires. On va parler du match showcase de lundi soir dernier. Mm-hmm. Et puis, on parle aussi du match qui s'en vient, un match de saison régulière, enfin, s'en vient lundi prochain. Cool. C'est après la pause dans les coulisses de la lutte. C'est là. Aujourd'hui.

C'est plus vrai, par exemple. Non. C'est avec des 5 cents, ouais, des pièces minimum. Ouais, on s'entend tous que les 5 cents, c'est pas plus utile que des 1 cent. C'est-tu le pire change? Les 10 cents, c'est encore pire. C'est tout petit, tu perds ça tout le temps. Comment ça, 25 cents, ça marche? Ouais, mais en même temps, tu sais. Les petits bonbons en 10 cents. J'avoue. Mais est-ce que t'en achètes juste un? Ben, moi, oui. Ah, OK. Lui, il va te prendre un bonbon. Pour calmer ton rush de sucre là, que tu veux avoir. Un bonbon, c'est jamais assez. En tout cas, moi, je parle pour moi, là, mais d'habitude, tu sais, les sacs de bonbons mélangés dans les DEP, là, je pense que ça dure 27 secondes et quart. Là, ce sac de bonbons, là, ça se dépare en temps de dire. Bonbon au miel, tu sais, l'abeille avec son bar. Quand tu veux gauler. Oui. Oh boy! Oui, Oh, il y en a, c'est, comment ça s'appelle, ça? Des bonbons au miel? Ouais. Je sais pas. Mais des bonbons au miel? C'est des honeycombs, des céréales. Ben oui. Des bonbons au miel? On se casse la tête. Tu connais pas les bonbons au miel? Après avoir gaulé au dard. Hein? Non? Ben oui, je connais ça. Les bonbons au miel? Je l'ai souvent dans mon sac. C'est bon pour la gorge. Ouais, c'est très bon pour la gorge. C'est ce qui est bon pour la gorge aussi. Je sais que tu t'en vas. Je ne veux pas savoir. Non, moi non plus, c'est ça. Mais le rhume est partout. Puis je pense que les ventes de ça. Que tu te. Hey, les bonbons d'Halloween sont sortis d'ailleurs. Je pense que je vais aller m'acheter ça. Là. Mais ne pas se les mettre là, par contre, ceux-là. Non. Non. Mais en tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Toi aussi. Okay, en tout cas, les tirs Sainte-Catherine, ça doit bien rentrer, mais on fait pas. Moi, j'aime ça. Les tirs Sainte-Catherine, je suis le seul. Ok, juste le bonbon, ok, pas te le mettre dans le. Non, ben non, okay. Tu m'as. Non, j'espère pas. On sait jamais, tu sais. Chacun, c'est kink. C'est vrai que c'est la même texture. C'est la même texture. Bref, merci Gabi et boy. Pas chaud de cette chronique-là. On retourne, on se retrouve la semaine prochaine, les mercredis à 9h pour Dans les coulisses de la Luître. On était, ben, je pense qu'on a du temps pour une petite chanson avant de passer en pause. Qu'est-ce que t'en penses? Ben oui, pourquoi pas? J'ai envie d'aller entendre une pièce qui c'est laquelle qu'on a pas fait. J'ai donc pas de mauvaise mémoire, Tam. Je croyais que t'en avais déjà une en tête. Ben, jamais, j'ai tué le Trash Races que je voulais faire jouer avec Sibankas. On est comme ça. Ah, c'est magique. C'est Bencas. C'est Bencas. Oui, comme des maracas, mais... Ça prend l'accent. C'est Bencas. C'est Bencas.

Finalement, il y a un département complet de brassières à la Hong Kong Polytechnic University. Quoi? Créé par une compagnie de brassières Top Form, le laboratoire est purement dédié à la recherche et au développement des brassières. Ça existe. Est-ce qu'on peut aller y faire un tour? Probablement. Est-ce qu'il faut que tu l'achètes? C'est sur polyu.edu.hk si vous voulez en savoir plus sur la Hong Kong Polytechnic University. Voilà pour ces faits sur les femmes. Pas pire, pas pire. En effet. Ça me donne la flamme, tout ça. Oh. Parler de femmes comme ça, c'est romantique, n'est-ce pas? Mm-hmm. On écoute Burning Flame de The Franklin Electric. It's like a burning flame when my heart fell deeper. Oh, it's like a burning flame. Yeah. It's like a burning flame when my heart fell deeper. Oh, it's like a burning flame. Yeah. You can't find where the body goes. It's just like searching for the concept that takes you down an old forgotten road. And it's been told, and it leaves you there hopeless, to show you how the water flows. To feel the empty hand of doubt is something like a stepping stone. When my heart fell deeper, when I felt troubled, when I felt fever like a burning flame, where the bright light flickers inside. It's like a burning flame where my heart fell deeper, when I felt troubled, when I felt feeble like a burning flame, where the bright light flickers inside. You've been a charmer, thief with the heart of gold, but you'd be the witness with your eyes and tell me how to believe when you've been fooled. And you see them there, passengers in the body, hope they feel it too. And the wheels that turn open and keep burning like an old steam train. My heart fell deeper when I felt troubled, when I felt fever like a burning flame, when my heart fell heavy, when I felt troubled, yeah, when I felt deeper than a burning flame. Flames de Franklin Electric. Ah, que j'aime cette chanson. Ah, c'est très bon. Ça n'a aucun bon sens. Ça a quitté les palmarès, mais ça ne nous empêche pas de continuer de la jouer. Hein. En effet. Avant que je l'oublie, Tania, on a oublié, c'est le moment d'aller parler avec Mathieu Plante pour savoir ce que ça en est au palmarès. Vrai. C'est fou. Mais... Merci Mathieu. Aujourd'hui, ce sera la portion top 10. On entendra les positions 10 à 6 avec entre autres White Horse, Emmanuel Flouper et Mon Doux Seigneur. Les palmarès, c'est fou. C'est aujourd'hui et du lundi au jeudi de midi à 13h. Soyez-y. Et c'est ce qui s'en vient plus tard au palmarès. C'est fou. Donc, continuons à Assemblage requis avec juste un petit sujet de le fun, comme ça, pour terminer l'émission. Peut-être pas super le fun, peut-être même négatif un peu. Donc, Tania, on parle de Uber. Oui, tout à fait, parce qu'il y a des choses qu'il faut savoir par rapport à Uber. D'ailleurs, le service de taxi, là, on parle du service de raccompagnement. Là, oui, Uber. Pas de livraison de poulet. Pas de quelqu'un là, qui s'appelle Uber. Non plus le service de poulet. Je sais pas c'est quoi ça. Mais Saint-Hubert, voyons. Ah, Saint-Hubert, ben oui. Mais en fait, on a su hier que Uber allait quitter le Québec à partir du 14 octobre 2017. Ouais. Donc, le mois prochain. Et c'est une rumeur qui veut, en fait, que le directeur général de Uber au Québec a annoncé l'intention de justement cesser ses activités dans la belle province après qu'on lui ait demandé de se former ou du moins de se conformer à la formation de 35 heures qu'on allait donner aux conducteurs d'Uber. Donc, c'est chose qui n'a pas été acceptée de la part de la compagnie. Et selon les dires, bien, c'est en raison justement des nouvelles conditions qu'on lui imposait par rapport au ministère des Transports. Donc, on devrait augmenter le nombre d'heures de formation. Présentement, on est à 15. On voulait augmenter de 20 à 35. On voulait faire une inspection mécanique tous les 12 mois et resserrer le processus de vérification des antécédents judiciaires sur les conducteurs. Et la vérification serait désormais effectuée par la police plutôt que par une firme privée. Donc, c'est un petit peu par rapport à ces conditions-là qu'on a décidé tout simplement que Uber a décidé de faire certaines moyens de pression, disons ça comme ça entre guillemets, tout simplement de menacer en fait de quitter le Québec. Alors, on s'est trouvé exagéré par ces exigences qui ont été demandées à la suite du ministère des Transports. On rappelle que c'est les règles que tout le monde suit dans le monde des taxis, c'est ça. Faut quand même voir les deux côtés là. Les chauffeurs de taxi traditionnels se plient déjà à une formation de 35 heures pour pratiquer ce métier-là, en plus de payer et de se procurer leur propre permis. Donc une formation qu'Uber juge incompatible avec leur modèle d'affaires. Leur philosophie. Ils disent que le roulement d'employés est occasionnel. Alors ils disent qu'ils ont gens qui font ça à temps perdu, là, contrairement à un chauffeur de taxi qui sait ça. Ça dépend. Il y a des gens qui peuvent faire beaucoup d'argent avec Uber, oui, fait qu'ils décident de faire ça. Mais je suis le premier à détester les taxis, à trouver que c'est la pire arnaque au monde. Là. Je veux dire, je fais deux coins de rue, ça me coûte 15$. J'haïs ça les taxis, j'haïs ça prendre ça. Mais tu sais, d'avoir une alternative à ça, je trouve que c'est une bonne chose. Donc c'est dommage s'ils s'en vont. Mais en même temps, si tu veux pas suivre les règles. Je suis d'accord avec toi. C'est une imposition qui arrive tout juste après que la première année du projet pilote soit terminée. Donc, on avait été accordé un an par le gouvernement Couillard pour voir qu'est-ce qui allait arriver avec Uber. Et on veut prolonger, évidemment, l'accord avec Uber, mais avec ces restrictions-là, chose qui n'a pas été acceptée de la part de la compagnie. La décision d'Uber est toujours pas rendue, mais on se doute fort bien qu'on va accepter soit de se plier à toutes les exigences qui ont été données, ou on va tout simplement se retirer des services comme on a annoncé un petit peu plus tôt hier, à moins que ce soit une stratégie pour justement faire peur au gouvernement. Donc, on va le savoir d'ici quelques heures, quelques jours. Je sais pas si ça va faire peur au gouvernement, ben. En fait, la question dans tout ça, c'est qu'est-ce qui va se passer avec Uber Eats? Oui, pour le service de livraison de restaurants exactement. Qui n'ont pas de livraison eux-mêmes. Tu sais, comme McDonald's, présentement à Montréal, c'est possible de t'en faire livrer avec Mais, Uber. Comme les commentaires Facebook disent, peut-être que Lyft va arriver dans le portrait et eux vont peut-être vouloir suivre les règles. Lyft est un équivalent de Uber aux États-Unis. Peut-être. On va voir ça. En tout cas, selon moi, si tu me poses la question, ça serait bien qu'Uber puisse rester parce que ça donne une alternance, justement une alternative, comme tu disais, aux prix exorbitants, qui sont tellement incroyables des taxis. C'est une avancée aussi dans le monde de l'économie, dans le monde du transport. On faut voir ce qu'il faut faire avec ça. Et voilà, merci Tania. Ça fait plaisir. On termine l'émission là-dessus. C'est déjà terminé pour ce mercredi 27 septembre 2017. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci, et bien sûr. Ouais, Tania était partie. Je la regardais, j'étais comme, ok, c'est quoi? Je parle tellement tout seul que tu peux ne pas être là pour la fin de l'émission, c'est ce que tu veux dire? J'ai vraiment comme poussé mon micro et que je m'en bats. Merci à Alicia Lemieux pour sa chronique sur l'environnement. Merci à Gabriel Béhoud pour la chronique dans les coulisses de la Luitre. David Ferron va être de retour la semaine prochaine. Allez, on va voir nouveau chroniqueur les mercredis à partir de la semaine prochaine aussi, si tout va bien. Alex Marchand va être de retour avec une nouvelle chronique sur la musique et le nightlife. Donc, c'est la semaine prochaine, les mercredis. Demain, à l'émission, on sera jeudi. Bien sûr, on aura une grosse pointe à l'adresse, comme toujours. Demain, Stéphanie Paradis va être de retour pour sa deuxième chronique sur la télé, sa patate de sofa. David Ferron, sa chronique, il la reprend demain. Donc, on va être là pour parler du Zone Campus demain en remplacement d'aujourd'hui. Donc, avant que le journal soit déjà là depuis une semaine, on va en parler alors qu'il vient de sortir, même s'il est maintenant intemporel. Absolument. On en parlera avec lui demain entre 7h et 10h. Restez avec nous parce que plus tard, bien sûr, on va être de retour, Tania et moi, pour les Palmarès C'est fou. Patriotes en action, on va être là juste avant à 11h. Ensuite, en rediffusion à 13h, le Mathieu Plante Show. À 19h, c'est très blues assez fou avec Denis Baudin. À demain, 7h, on se quitte avec Catherine Leduc. Et comme le froid Oui, c'est bien ça. Rien comme le froid. Je m'excuse, Tania. On est vraiment mercredi. Hein. Oui, on est mercredi, en effet. Tu m'as pas corrigé parce que c'est ben trop là, fin. Je me disais, il annonce la journée de demain. C'est ouais. correct. Le gars, il s'en va se coucher. Il est pas en forme, pente. Le cerveau suit plus. Vraiment pas, non. Donc... Palmarès, c'est fou à midi, on l'a dit. Oui. VHS, la nouvelle émission de Xavier McLeish, 13h. Le Mathieu Plancheau va être là, mais sûrement pas live. 17h automatique, 18h, écoutedon.ca, mais dans quelques instants. Compte à rebours, voilà. On se lève avec Catherine Leduc. Rien comme le froid, rien comme aller se coucher. Bon café, tout le monde. Café.